Bon, eh bien, bonjour, bonsoir à tous, bonjour chers auditeurs, bonjour mes deux collaborateurs, les grands et illustrissimes, et célèbres, et que de superlatifs, Chauve et Stetson. Bonjour messieurs. Bonsoir Jules. Bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir Jules. Bonsoir Luc. Nous sommes réunis donc ce soir pour un petit BGS, hein, comme chaque mois maintenant. Je crois que les rares auditeurs que nous avons pour le moment commencent à avoir l'habitude. Ouais. Ouais, ça viendra, ça viendra. Le succès viendra. À force, on deviendra des vrais stars, des vrais. Ouais, j'allais dire du petit écran, mais. Je suis déjà. On ne sera pas vraiment sur le petit écran, on a plutôt un profil de radio, comme on disait. Ouais, hein. Bon, sauf moi. Donc. Bon, ben pour cette fois-ci, on va faire. Physique télé au mieux. Physique de cinéma, vous avez de physique de radio au lieu. On va faire, oh les enfants, on va faire une intro un peu plus. Comment on dit, vous êtes gros. Silence. On se tait, sinon je te coupe ton micro. Donc, je disais, on va faire une intro un peu courte cette fois-ci, hein, pour ne pas. On va essayer d'être le plus concis possible. Avant de commencer, juste pour informer les auditeurs, parce que certains n'attendent pas la fin et ne savent donc pas, il y a un forum qui est ouvert. On vous attend nombreux pour venir débattre avec nous de tous les sujets qu'on ne pourra aborder dans le BGS, de tout ce qui peut vous passionner, de tout ce qui fait votre geekerie, on va dire. Donc l'adresse c'est bg-show.be. C'est très simple, il suffit de venir vous inscrire et vous pourrez alors communiquer avec nous. Donc n'hésitez pas, on attend du monde. Ça c'était pour le petit message promotionnel. Sinon, de quoi va-t-on parler ce soir? Stetson va d'abord nous faire un petit sujet sur les Oscars et les nouveautés en matière de films, c'est ça? Ouais, à peu près. À peu près. À peu près. D'accord. Peut-être une ou deux séries dans le mix. Voilà, les nouveautés, quoi, on va dire. Ouais. Ensuite, Chauve, tu vas embrayer sur un débat dont le thème est ta mère. Ah, ça va pas intéresser beaucoup de. Toi, tu l'avais déjà fait en même temps. Oui, c'est un peu. Voilà. C'est un peu il y a 20 ans aussi, hein, les blagues sur ta mère. Voilà, ta mère, c'est bon, quoi. Ouais, mais ça tombe toujours bien, quoi. Donc, ton débat, s'il te plaît. Sur l'apparition en force de la 3D sur les écrans, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, oh. Ça donne bien, n'empêche. Hein. Et moi, je terminerai par un petit jeu, une petite surprise pour changer un petit peu des Eternal Blind Test. Une sorte de petit quiz, on va dire, où Monsieur Shaw et Monsieur Stetson ne pourront pas utiliser leur ordinateur. Ouais, on va devoir prendre des stylos, mon gars. Voilà, vous devrez utiliser un papier et un mic. Pardon? Tout à fait, parce qu'avec les ordinateurs, Wikipédia est trop facilement accessible. Et, mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de. Laissez pas écrire, mais. Vous verrez, parce que de tête, ça va être compliqué, il faudra noter. Je vous expliquerai, vous aurez la surprise tout à l'heure. Moi, ne me regarde pas comme ça, moi, c'est pas plus que toi. Voilà, mais donc, on va rentrer dans le c'est vif ton du pote, sujet. Hein. De qui? Le vif du. Tu l'avais déjà fait aussi. Ouais, juste. Essaye un peu de renouveler tes blagues. Parce je fais un bêtisier aujourd'hui, je fais un best-of. Oh, mais si on commence à avoir des fidèles, ils vont vite se lasser, je pense. Hein. Fidèles, j'en emmerde. Ah, c'est le seul fidèle, ça. C'est utile. C'est un fidèle aussi. C'est très bien, alors ça va fidéliser nos auditeurs, ça. Hein. Chauve vous emmerde. Donc n'écoutez pas le podcast, Chauve vous emmerde. Ouais. Chauve est Dieu, Chauve est tout. Non, mais je les emmerde. Chauve est talent, Chauve est. Non, mais je les emmerde. Ouais, mais on a compris, Chauve, on a compris. Bon, si on passait alors dans le vif du sujet, les enfants, je crois que tout a été dit ici, donc venez vous inscrire sur le forum, n'hésitez pas. Il fait la pub, voilà. Il fait la pub. Il faut le rappeler, parce que sinon, on n'aura jamais personne et ça n'aura pas d'intérêt d'avoir ouvert un forum, donc je pense que je fais bien de le rappeler. Et à part ça, bah, on va commencer alors mon petit Stetson par ton sujet, tu es prêt? Non. Mon petit Stetson. Mon petit Stetson, je trouve que ça lui colle bien. Allez, c'est parti alors sur le non, sujet. Non mais, il n'y a pas le choix quoi, hein, de toute façon. Ouais, t'es là pour ça, hein, mourant. Allez, on est parti donc. Football masqué, le nouveau single de la compagnie créole déjà dans les bacs. Stetson. Voilà, donc c'était le nouveau générique spécial dédicace, spécial cadeau pour Stetson. Donc Stetson, je n'approuve pas du tout. T'as aimé? Alors, il faut dire que Stetson n'était pas au courant, mais Monsieur Chauve a absolument tenu à ce qu'on mette... Toujours un foutard de merde, hein, trou de comme balle je masqué. Disais. Voilà, donc trou de balle masqué, désolé Stetson, mais c'est Chauve qui a insisté, comme tu n'étais pas là tout à l'heure. Ouais. Voilà, de suite, quelques applaudissements, je me suis dit que ça ferait du plus bel effet, n'est-ce pas pour... Ouais, Stetson. Ouais. Bon. Je n'approuve pas du tout. Ouais. C'est pas grave. Bon, on va revenir un peu sur quelque chose de sérieux. Enfin, sérieux si ça peut l'être. Donc, Stetson, tu vas nous parler de... De rien. J'approuve pas mon générique. Oh. Tant que tu n'auras pas ton bon générique, t'es exactement. Pas. D'accord. Bah, merci, Stetson, pour ton sujet. Donc, on passe au débat de monsieur... Déjà Non, je rigole, je rigole. Bon, Stetson, donc, tu vas nous parler donc de nouveautés Oscars, en matière... Oui, enfin, des Oscars en premier, et puis de... Des Oscars, oui, de nouveaux films, en fait, des nominations des Oscars. On va discuter un peu de cinéma, et puis un petit peu de, peut-être de séries, si on a le temps, alors, ouais. Nouvelles séries, et de... D'accord, bah donc c'est parti. Par quoi vas-tu commencer? Tu nous sais peut-être la liste. Bah je vais pas dire toute la liste, hein, je vais dire les trucs importants. Quoi, les principaux, oui. Et voir ce que vous pensez des nominations. On va commencer par le meilleur film. Alors à mon avis, vous les aurez pas tous vus vu qu'il y en a certains qui sont pas sortis. C'est toujours le problème dans les Oscars. Ouais. Ils font maintenant depuis quelques années, ils font 10 films pour le meilleur film et plus 5 comme avant. Donc il y a 127 heures, qui est le dernier film de Danny Boyle. Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Mais vous, tu vois ce que c'est ou pas? Pas du tout. Et toi, t'as fait. D'ailleurs, Danny Boyle, j'avais aimé son... Enfin, je ne sais pas si c'était son précédent ou... Son dernier, c'était Slumdog. Slumdog, oui. Slumdog Millionaire. Ouais, c'est le dernier. Ouais. Enfin, alors, j'avais beaucoup aimé. C'est avec James Franco et c'est sur l'histoire d'un... C'était tiré d'un bouquin, ça. C'est tiré d'une histoire vraie, c'est, il a, mais c'est ça a été, il a extraordinaire aventure d'un indien, je sais plus quoi, malchanceux. Ah non, ça c'est Slumdog. Ouais, oh, c'est Slumdog. Ah, ok, mais je parlais de 127 heures qui est basé sur un mec qui faisait de, pas vraiment de l'escalade, mais dans un canyon. Il se met en route pour une randonnée dans les gorges de l'Utah. Ouais. Il est seul et n'a prévenu personne de son excursion. Merci Google. A fini, c'est halluciné. Vas-y, je t'écoute. Et il se retrouve bloqué par un rocher qui bloque son bras. Et donc, il reste 127 heures. On l'a vu aux médias, celui-là, non? Aux médias. Mais on l'a... c'est pas une histoire vraie? Si, c'est une histoire. Ouais, on l'a vu, oui, sur les mers, on l'a vu qu'il s'est coupé le. Oui, il s'est coupé le bras avec. Flash, un... ça, tantôt, on l'a vu tout à l'heure, oui. Un couteau qui n'était plus du tout aiguisé, rien. Et donc, tu vois, c'est... James Franco, il jouait dans une série de Freaks and Geeks, qui est une série culte. Je connais, oui. Et excellent, dans quelques autres trucs genre Pineapple Express il y a pas longtemps pour les films plus connus, et c'était vraiment un excellent film. À mon avis t'aimerais bien, ça a un côté artistique, la musique est excellente. Mm-hmm. Alors le deuxième c'est Black Swan, j'ai beaucoup entendu parler, j'ai entendu énormément de bonnes critiques, mais pas encore vu. Ouais, moi non plus, j'ai pas encore vu. Mais non, j'entends. C'est celui avec Nathalie Portman, c'est bien ça, sur Darren les... Aronofsky. Sur les ballets, là. Le... Ouais. Mais pareil que c'est un drame vraiment. Ça fait partie des. Parce que je parlais... Des quatre très gros avec The Fighter, qui est sur l'histoire d'un boxeur irlandais, mais qui, pareil, est pas sorti encore ici. The King's Speech, qui est sur. En Angleterre, le discours d'un roi pour réunir le pays. Et True Grit, le nouveau film des frères Coen, mais qui pareil n'est toujours pas sorti. N'est pas encore sorti chez nous. Dans ceux qui sont sortis et que vous avez vu, il y a Toy Story 3. J'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Ça m'intéresse pas du tout. Non, Toy Story, c'est vraiment secoué. Franchement, excellent. Après, bon, je trouve pas qu'il joue avec les autres. Mais... Non, il joue pas dans la même catégorie, mais dans une catégorie film d'animation, par exemple, il tirerait bien son jeu. C'est vraiment le film. Inception. J'ai vu à moitié. Qui était très sympa aussi. Franchement, Inception, pour moi, c'est dans mon top 10 de 2010. Ouais, mais je l'ai vu qu'à moitié. Top 10 2010. De Social Network, que vous avez parlé, mais que j'ai jamais parlé avec vous. Dans le top 10 de 2010 aussi, pour moi. Et un avis sur Social Network? Parce qu'il me semble que t'étais moins positif. Oui, je l'ai vu. Ouais, mais t'as bien aimé. C'est pas le but de l'avoir. Le film était bien fait, mais le sujet était totalement inintéressant. Non, moi j'ai pas trouvé. Moi. Le sujet, parce que oui, si on part de l'idée de base que c'est Facebook, on peut se dire un film sur Facebook, c'est ridicule. Mais après le film, c'est pas vraiment. Comment expliquer? C'est pas spécialement sur Facebook. Voilà, c'est pas un produit dérivé. Quoi. C'est comme on dirait un produit dérivé Facebook. C'est plus comme Pirates of Silicon Valley, par exemple. Qui était fort intéressant. Moi j'ai même retrouvé d'antitrust ou des thèmes comme ça. En plus, la mise en scène était assez. Enfin, moi j'ai vraiment aimé. Et les deux derniers qui sont moins connus, c'est The Kids Are All Right. Il a gagné des Golden Globes. C'est avec Mark Ruffalo, mais je pense qu'aucun d'autre ne l'a vu. C'était je connais Mark Ruffalo, mais. Sur une famille qui retrouve. C'est un couple lesbien qui a des enfants et les enfants veulent savoir. Oh c'est honteux, c'est ça, dégoûtant. Lesbien ? Ils n'aiment pas les Canadiens. Ils sont Canadiens ? Non, ils ne sont pas Canadiens. Ah, c'est déjà ça. Et les enfants veulent. Ah Non, c'est pour rire. Veulent voir qui est leur père, et donc leur père, c'est Mark Ruffalo. Et ce, voilà, c'est, ça parle de ça. C'était fort sympa. Et le dernier que je n'ai pas vu, c'est Winter's Bone, qui est adapté d'un roman. Mais s'ils ont gagné je ne sais plus le titre de celui avant qu'elle a donné. Mais le Kids Are All Right. Ah, c'est gagné les Golden Globes. Mais il n'a pas gagné pour meilleur film. Il a... Parce que généralement, on dit que s'il gagne les Golden Globes, il y a beaucoup de chances qu'il gagne les Oscars. Enfin, c'est ce qu'on dit. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Mais... Non. Mais bon. Bah, moi, personnellement, dans le lot, j'ai pas vu Black Swan, mais avec tout le bien que j'en entends, je me dis qu'il pourrait peut-être. Il y a plein de Golden Globes aussi, ça. Ouais, ouais, oui, il est aussi nommé. True Grit, pour moi, c'est celui qui a l'air le plus intéressant que j'ai pas vu. Quoi. Moi, j'en ai pas vu beaucoup dans l'eau, mais mon préféré dans ce que j'ai vu, c'est Inception. Ça, d'office, c'est celui qui m'a marqué en 2010. Que... Mais je n'ai vu que celui-là et Social Network aussi. Donc, j'ai pas ma pire Moi, déjà, de base, je préfère 127 heures. Tu l'as vu ? Ouais. Qui est vraiment James Franco joue super bien parce qu'il faut. Tu passes deux heures du film avec quasiment que lui. Quoi. Il y a des séquences où il rêve, mais. Ouais, donc si tu ne l'aimes pas au premier abord, ton film est gâché. Si t'aimes pas la tête de. Donc, Chauve ne va pas le voir parce qu'à mon avis, tu n'aimeras pas. Bah, ça va aller. Comme tu n'aimes rien. Je dormais, mon petit gars. Pour. Bon, pour une autre catégorie. Le meilleur directeur, il y a Darren Aronofsky pour Black Swan. Donc il y a les répétitions de ceux qui sont nommés pour meilleur film. Et les frères Cohen pour True Grit. Mm-hmm. David Fincher pour The Social Network qui était super bien filmé. Il y avait des scènes vraiment. Ouais, j'ai entendu parler partout de la scène de l'aviron. Franchement, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Moi, je trouve que la scène de l'aviron était exceptionnelle. Bah, non. La scène de l'aviron, excusez-moi, j'ai dû m'absenter. J'en avais entendu parler par plein de monde. Oui, ça c'est pas mal, mais. C'est pas un grand moment du film. Pas déconner. Non, personnellement, je trouve que ça fait un peu gay comme scène. Je dois bien l'avouer, c'est un peu gay. De l'aviron, déjà, c'est très très gay. C'est pas la scène la plus. Pour moi, c'est pas ce qui fait l'intérêt du film. C'est une scène qui a marqué beaucoup de monde, mais. J'en vois pas l'intérêt. Parce que Social Network, c'est un film lesbien. Point bas. Et canadien de surcroît. Canadien, non, mais lesbien, c'est déjà suffisant. Tom Hopard pour The King's Speech et David Russell pour The Fighter. Mais bon, voilà, vous avez vu. Excusez-moi, parce que j'ai dû m'absenter, donc je ne suis plus. Tu es dans les meilleurs acteurs, là ? Non, les meilleurs directeurs. Ah, excuse-moi. Les frères Cohen, meilleur acteur. Ah oui, j'avais pas entendu frère Cohen, en fait. Pour les meilleurs acteurs, au moins, là, vous aurez un peu une idée de qui c'est. Hein. Il y a Jim Franco. Oui, il y a Jim Franco. Il y a Jesse Eisenberg. Pour Social Network. Enfin, oui, si. Je crois que Social Network va quand même rafler quelques récompenses. Oui, parce que c'est hype. Non, je sais pas. À mon avis, dans ceux qui vont gagner beaucoup, il y a The King's Speech, Black Swan. Black Swan, ouais, je pense aussi. Je pense que Natalie Portman est dans les meilleures actrices. Il y a toujours un grand gagnant et un grand perdant aux Oscars. Hein, donc, toujours un qui gagne rien. Quoi. Bah oui, ça. Jeff Bridges pour True Grit. Ça, c'est un bon Jeff Bridges. Et Javier Bardem pour Beautiful. Oh. Ah, c'est sûrement encore un. C'est un espagnol. Et quoi, tu n'aimes pas les espagnols ? Bah non. Pour quelle raison ? Ils sont poilus. Juste pour ça ? Ouais. Ils vont se coucher tard. Non, mais c'était de son aussi. C'est son aussi, va pas. Il est poilu aussi. Voilà, donc c'est un espagnol. Ah non, il est trop blanc pour ça. Pour les meilleures actrices, alors, il y a en effet Nathalie Portman. Ça, c'était prévisible, hein, Black Swan. J'espère que ce serait d'un autre niveau que le vainqueur de l'année dernière. Sandra Bullock. Ouais, le film n'était pas si mauvais. Hein. Je l'ai regardé hier, justement, le film. C'était quoi ? The Blind Side. Ouais, The Blind Side. Ah, je n'ai pas vu, non. C'est un film sur du foutu... Enfin, sur du foutuesse, justement. Ah oui, si, oui. Et non, faut déconner, quoi. Le film est cucu à crever. Il est très gentil, quoi. Il est très, très gentil. Hein. Mais... Il est très, très gay, quoi. C'est un film lesbien, The Blind Side. C'est un film lesbien. Les Oscars, c'est pas toujours non plus... C'est lesbien. La référence, oui, tu veux... Non. Pas toujours non plus la référence, il y a parfois. C'est juste pour donner une idée de quelques films. Il y a parfois des choses qui sortent du lot, mais parce que. Bon, je l'ai vu en français. Hype, comme tu dis. Bon, elle jouait correctement, quoi. Mais... Bah, t'as des films qui vont toujours aller aux Oscars. King's Speech, Fighter, Black Swan, c'était sûr qu'ils y allaient. Bah, Social Network aussi, c'était prévisible. Ouais, mais. C'était prévisible. Moins que. Et Toy Story 3, parce qu'ils veulent essayer de s'ouvrir un petit peu au monde de l'animation. Parce que c'est hype, comme dirait Chauve. Meilleure actrice, je trouve. Il y a moins de noms vraiment connus. Jennifer Lawrence pour Winter's Bone, mais je vois pas vraiment quel film c'est. Il est nommé comme meilleur film, mais Nicole Kidman pour Rabbit Hole, mais j'aime pas Nicole Kidman du tout. Non. Hein? Nicole Kidman. Quoi, elle est nominée? Ouais. Sans déconner. Annette Bening pour... Elle est rousse en plus. Et australienne. Oh. Australien aussi, non. Ah, mais oui, tant que c'est pas... la tête en bas. Lui, tant que c'est pas belge... Et encore. Ouais, non, le belge, des connards. Tant que c'est pas chauve, quoi, en fait. Meilleur supporting... meilleur second... Second rôle, acteur en second rôle. Désolé. Christian Bale pour The Fighter. Mm-hmm. John Hawkes pour Winter's Bone. Jeremy Renner pour The Town, qui est un film sympa de Ben Affleck. Pas vu, mais entendu parler, oui. Un film de braquage de banque. Ben Affleck, autant il est nul pour jouer, autant bah quand ben il réalise, Affleck, il est pas mauvais, je crois. Non, il est... ouais. Mais même pour jouer, il est pas mauvais s'il est entouré de... d'un très bon cast et d'un ouais, bon mais directeur. Il... ouais, ouais, bah bon. Mais c'est rare, quoi. Il fait ouais, pas de films. C'est ça le problème aussi. Enfin, moi, je reste bloqué sur... Pearl Harbor. Ouais, non, je crois que t'allais dire South Park avec sa tête de cul. Pearl Harbor, putain, j'ai vomi dans ma bouche, quoi. Mais par contre, c'était quel film qu'il a fait? C'était très très gay, quoi, Pearl Harbor. C'était lesbien, même. C'est quel film qu'il a fait avec Matt Damon, où ils ont gagné. Ah, Oui, mais avec... Google. On va le dire tout de suite, continue. Putain, c'était quoi? Ouais, ça me sort de la tête, d'un coup. Mark Ruffalo pour The Kids Are All Right et Jeffrey Rush pour The King's Speech. Je vois bien Jeffrey Rush gagner quoi, là-bas, ou bien Christian Bale, hein. Vu que les deux films, c'est les plus... Ouais, non, ça, là par contre, sur le coup du second rôle, il n'y a pas... Enfin, je sais pas, il n'y a pas de moins de films qui m'inspirent, on va dire, qui me... Mais c'est étonnant que The Town, qui est un film plutôt... pas très Oscar style quoi. Oh, bon, ils en mettent de temps en temps, mais ouais. C'est pas pour autant qu'ils vont remporter l'Oscar. Hein. Non, mais bon, c'est même étonnant qu'il y soit de base. Pour la meilleure actrice en second rôle, il y a Amy Adams. Il y a... C'est à Will Hunting que vous pensiez avec Ben Affleck et... Peut-être bien. Ouais, Good Will Hunting. Ouais. Excusez-moi pour cette interruption. Non, je cherchais aussi. Elena Bonham Carter pour The King's Speech. Ah, celle-là, excusez-moi, il est nommé partout. Ouais, ou ça me gonfle d'avoir partout celle-là. Donc au moins, eux, ils sont sûrs de normalement repartir avec une statuette. Oh, ben, il y a des chances. Quand. Melissa Leo pour The Fighter, qui est une fort jeune actrice. Ah non, non, je confonds. Quel âge? 6 ans? Non, elle est... non, elle est vieille. Là, en fait. On avait dit quoi? 50 ans, donc. Elle dit plus les blagues pédophiles. Oh! Mais si, hein, laisse-le. Ça fait on demandera aux auditeurs s'ils aiment bien ou pas. C'est la spécialité belge. Hein. Hayley Steinfeld pour True Grit et Jackie Weaver pour Animal Kingdom. Animal Kingdom, pas entendu parler de celui-là par contre. Non, moi non plus. Donc ça raconte une histoire c'est d'animaux. C'est un film australien. Chauve n'aimera pas alors déjà. Voilà. Australien, on n'a pas le droit de parler. Bah oui. Bah, il vit la tête en bas, donc c'est vrai que c'est pas pratique quoi. Ouais, je comprends déjà pas comment on peut vivre la tête en bas. Donc, À ce moment-là, ils sont pas les seuls. Hein. Meilleur scénario, non, mais surtout original, eux, quoi. Meilleur scénario original. En plus, ils foutent leurs gosses dans des poches, tu vois, devant. Ouais. Ça s'appelle des kangourous, ça. Oui, c'est pareil, kangourous australiens, c'est pareil. On continue, ne laisse pas le déconcentrer. Meilleur scénario original. Donc, ça veut dire le scénario qui n'est pas adapté. Non, bah non. Hein, ouais, mais il fait l'essentiel. The Fighter, Inception, Kids c'est... Are Alright. Permettez-moi d'interrompre. Sur Monsieur Stetson, c'est quoi cette prononciation? Pour quelqu'un qui aime tant parler anglais, qui aime tant... Inception. C'est pas Inception. Moi qui l'ai dit, hein. Inception. Inception. Content. Même moi, je ne dis pas Inception. Bah vas-y, dis-le. Même moi. Bah, Inception, voilà, c'est dit comme ça. The Kids Are Alright, The King's Speech et Another Year. Et quoi? Another Year. Ah ouais. C'est là, j'ai entendu... Another Year. Another Year. Another Year. Another Year. Vu que vous n'avez vu que Inception. Encore, il a vu que la moitié. Je ne comprends même pas. Tu n'as pas aimé Inception, chef? Parce que c'est un connard de collègue qui l'a mis au gamin, au boulot. Forcément, ils n'ont rien compris. C'est... Et comme à un moment, il était tard et que ben voilà, moi j'en avais plein le cul, je dis allez vous coucher. Et voilà, on a coupé le film et du coup, je ne l'ai pas vu. Tu en avais plein le cul du film ou non des gamins? Non, des gamins. Ah ouais, d'accord, mais le film en lui-même. Ah ouais, non, c'était pas mal. Pour moi, c'est pas le meilleur film que j'ai vu non plus. J'ai beaucoup aimé ce film-là, mais c'est vrai qu'il y a des choses un petit peu un petit peu, voilà, qui sont... C'est un petit peu poussé à certains voilà, moments. Voilà, et puis des grosses... Enfin, des références, on va dire, mais la scène de la neige à la fin, du combat dans la neige, pour moi, c'est James Bond. C'est pas de spoiler, hein, parce que moi, j'ai pas vu. Mais c'est pas grave, je peux le dire, mais... Je veux dire, c'est pas toujours très imaginatif non plus dans la façon de faire, mais c'est un bon film. Moi, je passais vraiment un bon moment, et... Voilà. C'est un de mes coups de cœur de l'année. Pour le meilleur scénario adapté, ben, y a les mêmes qu'avant, hein, y a 127 heures. Vu que c'est adapté. On retrouve souvent les mêmes quand même. Hein. C'est ben souvent les mêmes qui tournent. The Social Network, qui est adapté d'un livre hein, à la base. Mais lui, il va quand même. Je suis sûr qu'il va rapporter quelque chose, c'est pas possible. Oui, parce que Aaron Sorkin, déjà, c'est un dieu pour écrire. Oula, cette sonne à un dieu. Ouh. Ah quoi, Aaron Sorkin. Tu vas pas me dire qu'il écrit mal. Je sais pas qui c'est, moi. Donc. Je n'ai jamais lu. Je sais qui c'est, mais je n'ai jamais lu. Donc. Sa plus grosse série, c'est en français, c'est À la Maison Blanche. Qui est... Tu vois ce que c'est. Oui, tout à fait, mais je n'ai jamais vraiment regardé. Je suis désolé, Stetson, mais c'est pas une série que j'ai. Bref. Toy Story 3, True Grit et Winterbone. Donc les mêmes qu'il y a. On est dans le scénario, là. Ouais, le scénario adapté. Toy Story est nominé pour le meilleur scénario. Non, scénario adapté. Scénario adapté. Pourquoi adapté? Parce que c'est adapté de... De Toy Story 1. Ouais, de Toy Story 1 et Toy Story 2. C'est vraiment c'est... parce que oui, c'est plus à trouver le truc. C'est pour dire de faire une catégorie en plus pour... Enfin... Non, il y a toujours scénario adapté. Hein. Oui, mais pour... Enfin... Oui, mais Toy Story, enfin, je ne l'ai pas vu, mais j'ai... Ça, bah, Toy Story, c'est alors tu l'aurais mis dans scénario original. Bah, je l'aurais mis dans que dalle. Toy Story, quoi. Oui, mais voilà, scénario original, parce qu'adapté... Tu le mets dans que dalle. C'est adapté, c'est adapté d'un roman, c'est adapté d'un comics. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le mets pas. Bah voilà. Oui, mais si tu veux le mettre. Toi, t'es dans l'extrême, mais moi, c'est plutôt le adapté qui me dérange. C'est adapté. Tu aurais nominé aux Oscars. Oui, mais d'accord, du 1 et du 2, mais adapté pour moi, c'est adapté d'un livre, c'est adapté d'un comics, c'est adapté. Faudrait voir si une suite. Faudrait voir si une suite est nommée là. Pour moi, par exemple, les X-Men sont adaptés d'un comics, et je prends des exemples à la con, mais. Et Social Network, mais c'est d'un bouquin, par exemple. Mais Toy Story 3, il n'y a pas. Enfin, c'est un autre débat. On va laisser faire ces gens-là, hein, qui sont peut-être un petit peu dans leur monde. Ah, après, on passerait sur les. Chauffe. On se tait, s'il vous plaît. Merci. Chauffe. Je vais devoir te couper. Ton micro, si tu continues. Ok, ça va. Je coupe. C'est bon. Ça ne continue. Et donc, bon, les autres, on va éviter de faire toute la liste qui reste, hein, parce que c'est... Chaud. Vu que c'est... Arrêté, bon, ben, tu lui coupes son micro. Ah bah, ouais, je crois que j'ai plus le choix, là. Vu que tout le reste, c'est les... Vu que déjà, là, vous n'en avez pas vu beaucoup, alors si on passe sur les films étrangers, les films... De toute façon, les films étrangers, t'auras quoi? Du serbois croate, du canadien... Et du français. Et du français, putain, les films français, ça me fait vomir dans ma bouche, moi. Cite un peu les films, meilleurs films étrangers pour voir. Le meilleur film étranger, mais il n'y a pas de film français. Il y a Beautiful, le film où il y a Javier Bardem. Dogtooth, un film grec. Oh. In a Better World, un film danois. Incendie, film canadien. Oh. Forcément, on parle d'incendie. Ces gens-là, ils sont dans la destruction, les Canadiens. Et Outside the Law, un film algérien. Je crois que tout le monde a entendu que Chauve se servait à boire. Alors, il y a au moins des talibans là-dedans. Pour nuire à sa réputation, Chauve ne se sert pas de l'alcool, mais du thé. Car oui, monsieur, boit du thé. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur est précieux, maintenant. Donc, ça va devant nous. Hein, pas que je boive trop. J'en ai pas vu... Ouais, donc, j'ai vu Incendie, mais... C'est vrai qu'il n'y a pas... Voilà, c'est vrai que... Bon. L'année dernière, il y avait un film français qui était fort sympa, que j'ai oublié le nom. En prison, tu l'as pas vu. Moi, les films français, je regarde pas. Je regarde certainement plus que lui, je pense, de films français, mais oui, je pense. Parce que parfois, je suis au cinéma ou quand je suis forcé par madame. J'en parlerai dans le vrac tantôt, d'ailleurs. Ouais, enfin, c'était pas un film qui passe mais bon. À kiné ou quoi. Ah, mais c'est pas la question. Mais... D'ailleurs, on devait changer au Kinépolis, au passage. C'est un autre débat, mais le Kinépolis, ce cinéma en horreur. Rien que le fait des places numérotées, moi, ça me sort partout et tout. C'est un gros cinéma. Oui, c'est le plus gros du coin. Dans le... À Recours. Bon, à Recours. Je crois pas que ça intéresse vraiment nos auditeurs. Bah, il y en a peut-être de Liège. Si les gens de Liège qui nous écoutent veulent au cinéma, n'allez surtout pas au Kinépolis, c'est un conseil. Pourquoi? Allez au Grignot. Pourquoi pas au Kinépolis? Hein? parce que le Kinépolis est un énorme cinéma où il te place que les derniers blockbusters, t'as pas vraiment un grand choix de films, ça coûte très cher, t'as des places numérotées, donc t'es obligé de t'asseoir là où on te dit de t'asseoir. Enfin, tu peux choisir. Oui, tu peux choisir au moment à la caisse, mais bon, voilà quoi. Et puis, en plus de ça, c'est, je sais pas, l'endroit en lui-même ne me plaît pas, trop de monde, trop de... Voilà, c'est The Big Cinema. Bref, c'est un multiplex. Voilà. Quoi. Voilà, exactement. Et je vais juste finir par les meilleurs films d'animation, où il n'y en a que trois. Alors, il y a Toy Story 3. Il y a Toy Story 3, je voulais essayer de deviner attends, les attends, autres. Attends. Film d'animation. Il y en a un que tu ne trouveras pas, déjà. Est-ce qu'il y a un film japonais de l'espace? Non. Pas du tout. Il n'y a pas de japonais. Il y a un film français, par contre. Oh. Un français? Un film d'animation? Oui. Mr. Fox, quelque chose comme ça? Non, c'était le passé, ça. C'est un tout petit film. T'as vu les triplettes de Belleville? Oui, j'ai vu les triplettes. C'est le film suivant de Sylvain Chauvin. Je n'aime pas du tout, d'ailleurs, au passage. Moi, j'aime bien. Non, moi, j'ai pas aimé du tout. C'est The Illusionist. Oui, en français. Oui, ça y est, oui. Et l'autre, c'est How to Train Your Dragon. Que je n'ai pas vu. Non, ça me va dire. De toute façon, c'est quasi sûr que Toy Story va gagner, quoi. Désolé, chauve, mais c'est Toy Story. Enfin, je l'ai lu quelque part, de toute façon. Que c'était certain qu'il allait gagner. Pas de compétition, ouais. Bah, l'illusionniste, c'est un petit film d'animation vraiment indé. Il n'y a pas plus indé, quoi. C'est bizarre d'être en compétition avec Toy Story. Oui et non, parce que déjà les triplettes de Belleville, ça avait déjà eu quand même un gros succès. Moi, je l'ai vu dans tous les médias, moi, les triplettes de Belleville. Oui, mais ça a eu un succès à tout petite échelle. Hein. Oui et non, mais je veux dire, ça a été bien couvert par les médias, donc... voilà. Mais ça, t'as une idée de succès, il a fait très très peu. Ça je ne dis pas, mais je veux dire, quand c'est bien couvert par les médias, généralement, comme eux prennent des films étrangers, ils ne savent pas nécessairement se référer au nombre d'entrées non plus, c'est pas ça qu'ils regardent. Non, mais donc, c'est vraiment s'il y a petit, énormément quoi, de bonnes critiques, ils vont se baser là-dessus pour le... Enfin, je pense pas. C'est basé sur un scénario que... Sur c'est que Magouille et compagnie, il a derrière tout ça. Bah oui. C'est les Kazakhs. Sont de retour, c'est les Kazakhs. Voilà, je vais pas citer les autres nominations, hein, vu que ça on passe dans les trucs un petit peu genre les meilleurs courts-métrages et tout ça que personne n'a vu là, à part eux. Je pense vraiment que je ne pense pas. En plus, si tu cites un court-métrage serbo-croate, je crois que Chauve va vomir ses trucs maintenant. Hein, donc je pense que c'est pas la peine, effectivement. Ouais, donc rien de bien connu. Un peu raciste, hein. Moi? Ouais. Bah non. Rien de bien connu en quoi? Bah dans la liste, il n'y a rien de bien... La liste... De connu chez nous, je parle. Rien qu'on aurait vraiment... Pas grand-chose qu'on ait déjà pu voir au cinéma chez nous. Quoi. La liste de meilleurs tout, films et tout de ça. De tout. Bah quand même, qu'on The ait Social vu au cinéma Network, chez nous, Social Network, Inception, pardon. Et, Kids Are Alright, il est sorti. 127 heures, je crois qu'il est non, sorti. Non, il n'est pas encore sorti, non je pense. Je l'ai vu en avant-première, mais... Il va sortir cette semaine, je pense. Ok. Et dans Toy Story 3. Tu t'es levé pour aller au cinéma? De quoi? Oui, non, le cinéma c'est au soir, il n'a pas besoin de se lever. Ça dépend à quelle heure au soir. Bah à 22h. Voilà, c'est l'heure à laquelle on se lève. Bah je suis là non? J'ai moins de temps. Oui mais heures. T'as dit que t'as de pas dormi beaucoup. Oui ouais, mais bon, je pousse mon horaire de plus en plus tard, enfin bon. Ça, oui voilà, sa vie privée ne regarde pas les auditeurs effectivement. Il y a quand même des gros films. Hein. Ah mais je ne dis pas sûrement. C'est juste que ouais, c'est le problème nous, toujours. Mais... Voilà, on les a une semaine après. Quoi. C'est qu'on les a pas encore vus quoi. Voilà. Parce que tous les gros Black Swan, Fighter, 127 heures, King's Speech et True Grit, c'est vraiment les. Black Swan, je pense que j'irai le voir. Je pense que. Ouais moi aussi. Je trouve que excusez-moi. C'est pas grave. Tous ceux-là, ils sortent en février quoi. C'est d'ailleurs c'est stupide parce que on peut tous les avoir. Sur le net. Le télécharger avant, oui, mais c'est illégal. Ce n'est pas bien. C'est ben, en plus, tu je suis vois en train la même, de télécharger 127 heures, on a vu. La même release que. Ah merde, il est déjà parti. Chauve, tu as un policier derrière toi là qui vient d'arriver. Non, c'est un miroir. Ah voilà. Donc. D'accord. Et à part ça, une série, est-ce que tu as relevé quelque chose? Parce qu'on a dit qu'on parlerait cinéma et série. Ouais. Est-ce que tu as niveau relevé série, quelque chose? Il n'y a pas grand chose qui. De nouveau, qui est vraiment. Non, j'avoue que en entendant ton sujet, j'ai essayé aussi quelques nouvelles séries et il n'y a pas grand chose de trépidant. Il y a Shameless, qui est une adaptation d'une série anglaise sur Showtime, qui est fort sympa. Qui parle de D'un père alcoolique et de ses enfants. Et ses enfants doivent s'occuper d'eux-mêmes. Quoi. La plus grande des filles s'occupe de tout. Il doit se prostituer ? Non, elle ne doit pas se prostituer, désolé. Oh. Mais c'est fort sympa. Ça a essayé, quoi. C'est, la série anglaise a plein de saisons. Je crois qu'elle est à sa 8e saison, mais là, ça vient de commencer sur Showtime. Il faut voir aussi ce que j'ai les adaptations de séries anglaises. Non, mais elle est très bien faite. Parce que moi, je peux parler maintenant que j'ai regardé Skins, la oui, version US. Mais c'est atroce. Bon, il faut dire une chose aussi. C'est la version originale est déjà atroce. La version originale. Attends, la version. Bah, allez, chauve. Si t'as 15 ans, je veux bien. Mais... Chauve, la version américaine est faite par MTV. Bah ouais, mais bon. Donc. La version originale. Je suis pas fan de la version originale. Non, je comprends qu'on c'est de la merde. Pas je suis pas aussi. C'est de la merde. Arrêtez un peu, quoi. Je ne veux pas être aussi vindicatif que chose. Ça vous intéresse la vie des gamins de 14 ans qui fument, oui, qui boivent et qui baissent. Moi, je trouve que c'est pas elle n'est pas dénuée d'intérêt cette série. Bah, elle présente dans certains jours. Je trouve que la série anglaise n'est pas dénuée d'intérêt. Je suis pas un grand fan. Mais je voilà, ça me je suis pas anti comme chauve ici présent. Et moi je trouve que c'est de la merde. Par contre la série américaine autant elle reprend la trame mot pour mot de la série anglaise. Oui, mais elle reprend la trame mot pour mot mais sans avoir aucune personnalité. Mais voilà. Oh, bah, 127 heures, ils ont supprimé tous les liens. C'est triste. C'est triste. Mais c'est illégal, chauve. Ah, je m'en fous. Et nique la police, mon frère. Comment ça nique la police ? Nique la police. Je vais te fouetter, moi, tu vas voir. Ouais, Skins, ça vaut vraiment pas la peine. De toute façon, c'était prévu depuis les premières previews que la presse avait vues. Ouais, non, mais ça, j'ai pas trouvé un grand intérêt de toute façon non plus. Puis même, ça perd le peu d'intérêt que je pouvais avoir pour la version, anglaise, en fait. J'ai regardé les deux premiers, autant le premier au tout début, oui, toujours l'effet nouveauté, la présentation, tu lui laisses sa chance, t'essayes de te laisser prendre, mais après un moment... Et puis après un moment, tu te dis, ah putain, c'est de la merde. C'est ce que je me suis dit au début. J'ai quand même été jusqu'au deuxième épisode. Waouh. J'ai poussé Elvis jusqu'au deuxième. Et après, je me suis dit, non, ça suffit, arrêtons-nous là. Ouais, ben... Sinon, il y a une autre série je crois que c'est sur Showtime, c'est épisode, c'est... Oui, c'est avec Matt LeBlanc. Avec Matt LeBlanc. Ouais. C'est sur un couple qui vient adapter leur série anglaise aux US. J'ai entendu parler. J'ai vu que le premier épisode qui était pas top, mais il y avait du potentiel. Quoi. Faut voir parce que la plupart des suites que les héros de Friends ont fait. Enfin, des suites. La plupart des séries qu'ils ont fait après. Comme ta petite sœur, ça. Après. Quoi. Il y a du potentiel. Merci chauve. Donc je disais, la plupart des séries que les héros de Friends ont tenté de faire après, c'était pas une réussite. Hein. Ben, Studio 60, c'était excellent. Cougarton, par exemple. Oui, c'était avec la merde, Matthew Perry. Ouais. Ouais, ça, mais bon, voilà, Matthew Perry, c'était un des bons acteurs. Ouais, bah oui. Mais par exemple, Matt LeBlanc, il avait fait déjà Joe. Ça, c'était une catastrophe. Il y a Cougarton avec. Courtney Cox, merci. Elle avait fait aussi une autre sur les paparazzi. Non, sur oui, la presse sur, people, oui, elle était gérante d'un magazine. Je ne me souviens pas non plus, mais oui. Éditrice. Mais c'était pourri aussi. Ouais. Enfin, c'était moins pourri qu'Ougartin. Phoebe, elle a joué aussi dans quelque chose. Phoebe, ouais, mais c'était pas mal ce qu'elle a joué pour HBO. Mais je me rappelle plus du nom maintenant. C'était il y a quelques années déjà. Mais voilà, enfin, je veux dire, il n'y a rien elle eu. Elle vivait sa vie. Il n'y a rien eu qui a vraiment bien marché, quoi. C'était pas. Donc je sais pas, il faut voir. En plus Matt LeBlanc c'est pas celui que je préfère. Non, mais c'est, bon, c'est sur une chaîne câblée premium donc c'est moins important que ça marche quoi tant que c'est bien. Ouais, peut-être. Une des nouvelles séries aussi de FX c'est Lights Out sur des boxeurs. Ah si, j'ai lu. J'ai lu que il y avait ça mais j'ai pas vu. C'était le pareil, boxeur. J'ai vu que le premier épisode pour le moment, c'était fort sympa. Dans le style des FX, très visuel. Bah j'ai lu dans la critique, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, dans la critique que j'en ai lue, ça pourrait être vu comme une. Comme un parti vert du dernier Rocky Balboa. Ouais, un petit peu, parce que c'est sur un comeback et tout ça, quoi. Donc, C'est le même, ouais, d'accord, c'est le même genre d'univers. Ouais. Ça peut être sympa. Je trouve, si t'aimes bien la boxe. À part dans les jeux vidéo. Non, il y en a. Je suis pas fan de boxe, non. À part Punch-Out. Les autres et séries Ready to Rumble. Nouvelles, il y a Harry's Law, mais qui est une série pour vieux. Tu peux nous expliquer le principe d'une série pour c'est vieux dit. Bah, c'est sur un tribunal avec des avocats et enfin c'est vraiment une série pour vieux quoi. Perry Mason. De David E. Kelly. Je crois même que dans la démographie qu'ils utilisent pour voir les audiences, ils n'ont pas une mauvaise audience, surtout que NBC, ils sont tellement pourris que même quelques millions, ils sont contents. Mais le problème, c'est que... En matière de série, oui. La démographie est tellement sur des vieux et pas sur les 25-45 que ça ne les intéresse pas. Ouais, d'accord. Ils ne pourchassent pas cette part de... Enfin, non, bah, c'est, pas la, une... pas la, c'est pas la part qui... Ils ne cherchent pas à séduire... D'accord. Bah, on dit que cette partie-là de la population achète moins de produits et tout ça. Dû aux pubs. Ouais. Mais bon, c'est comme ça que c'est fait. Ouais, d'accord. Ça n'a pas forcément une logique. Ici, on dit que c'est la ménagère de moins de 50 ans, je crois, non, que TF1 utilise comme pour ses pubs. C'est ça, ouais. Exactement, ouais. Voilà, c'est un peu la même chose. Du temps de cerveau disponible, comme on dit. Il y a un autre remake d'une série anglaise, c'est Being Human, mais qui est beaucoup mieux fait, là. Oui, ça j'ai lu aussi. Je n'ai jamais vu ni l'anglaise ni. L'anglaise, j'ai vu la première saison, c'était pas mal. C'est sur des. Mais je connais le thème, mais. Ouais, il y a un vampire, un loup-garou, et ils essayent de vivre une vie normale, quoi. Encore un vampire ? Ben, c'est ça que je me suis dit. Ouais, mais en c'est fait. Pas du tout. Ouais, non, mais rien à foutre. Je veux dire, ça semble ridicule. C'est ça qui m'a rebuté aussi. Quand j'ai vu que ça parlait encore de vampires qui essaient de vivre une vie normale, après avoir vu True Blood, après avoir eu tous les Twilight, ouais, les bon, vampires d'Ayuriz... Les... Enfin, ça a pas le même... C'est comme Misfits, tu vois, ça parle de super-pouvoirs. Ah, mais... certainement, mais j'ai plus envie, en fait. Pour le moment, j'ai plus envie. J'ai mal à la tête. Les vampires, ça me lasse. Il y a une série qui, moi, j'ai trouvé pourrie dans la première saison, et là, ils en font un préquel, c'est Spartacus. Ah, j'adore Spartacus. Je n'ai pas aimé non plus la première saison. J'ai trouvé, désolé, chaud. Il paraît que ça s'améliore. C'est kitsch à mourir, mais... Au fil de la saison, mais moi, les premiers, j'ai vraiment pas pu. Pour finir, c'est pas Dominique Purcell qui a été repris, alors pour... Tu sais pas Il jouait qui Dominique Non, mais Purcell, l'acteur principal a un cancer. Oui, alors ils avaient prévu de prendre Dominique Purcell qui jouait dans Prison Break, qui jouait le frère de Michael Scofield. Lui, il est mauvais aussi, alors. Ouais, mais ils avaient prévu de le prendre, lui, pour jouer dans Spartacus, dans le... Spartacus, j'assume complètement le fait que c'est que historiquement c'est mauvais. C'est pour les tapettes. C'est pour les tapettes, oui, si. C'est pour les hommes qui aiment bien les hommes musclés, virils. Et huileux. Et huileux. Les beaux gladiateurs. Bien. D'ailleurs, tu me rappelles que je l'ai. J'avais complètement oublié. Car Chauve aime les films de gladiateurs. Ouais, moi j'adore. Dès qu'il y a des jupettes et que ça se met sur la gueule, moi j'aime bien. Tu aimes les films de gladiateurs? Ouais, ils sont pas en jupettes, ils sont tout nus. C'est Dustin Clare qui joue le rôle principal, mais qui n'est pas Spartacus, qui est... Oui, tout à fait, oui, c'est pour la... Batiatus. Mais... tout sans us. Trépus. Principalement, c'était le Phallus, le anus, est... Vous dérivez. Ça, hein. C'était le sang dans Spartacus qui m'a... Je pouvais pas, quoi, ça faisait tellement ridicule. Ah oui, c'est déjà le sang. J'ai trouvé ça kitsch à mort, et... Mais moi, j'aime bien. On aime ou on n'aime pas, il n'y a rien à faire. Ouais. C'est kitsch comme mais ça. Mais il paraît que ça s'améliore quand même au fil de la saison, que ça devient un peu moins. Par exemple, ridicule. Autant Rome, j'avais adoré. Moi, bah, autant Spartacus. Ça m'a pas spécialement marqué. Quoi. Rome, c'est ultra sérieux. Quoi. C'est ultra sérieux, mais aussi du sang partout. Oui, c'est pas fait. Oui, justement, c'est pas fait de manière aussi kitsch, aussi ridicule. C'est oui, ça que je veux dire. Ça n'a pas le même budget. Je crois aussi que c'est un kitsch qui s'assume. Mais je parle Rome pour. Quand même relativement voulu. Je parle de Rome pour l'époque, je parle de Rome pour le. Je parle de Rome pour l'époque, oui, je parle de Rome pour de le sang, tout ça. Du cul dans Rome, il est très présent aussi. Ouais, mais dans Spartacus, c'est pour ça que je fais la comparaison avec Rome, c'est tout. Hein. Mais Spartacus, j'ai essayé, mais je n'ai vraiment pas accroché. Ah si. Alors, pour ceux qui aiment bien la façon de parler de chauve, qui détestent les Canadiens, qui détestent les Australiens, qui détestent un peu la terre entière. Les kangourous. Et qui aimaient les films de gladiateurs. Ruez-vous sur Spartacus. Ça devrait vous plaire. Gods of the Arena. Voilà, il y a aussi une nouvelle série d'animation de Bob's Burger qui se met dans le bloc. Excuse-moi, Tintin, la préquelle, c'est parce que justement l'autre gars est malade et qu'ils ont envie. C'est un truc comme ça ? Non, parce que je crois qu'il parle de le remplacer. La préquelle était prévue avant, je pense. Et il parle de remplacer l'acteur principal de Spartacus et de continuer. Moi, je pensais qu'ils avaient mis ce projet-là en place pour le faire sans lui parce que justement il était malade. Non, ça permettait de continuer en même temps. Je ne suis pas sûr de ce que façon, je dis, mais je crois que le préquel était prévu avant qu'il sache que l'acteur est malade. Non, en fait, la préquelle, il y aura une saison 2 de Spartacus ouais, où ce sera Liam McIntyre qui jouera. Ça, c'est le, l'original Non. Non, il va remplacer. Parce que l'autre, j'ai oublié son nom. Oui, je... C'est Andy Whitfield. Mais bon, c'est pas des acteurs très connus, quoi. Voilà, mais ils avaient prévu la préquelle de toute façon avant mm-hmm. même de savoir que l'acteur allait devoir être remplacé, en fait. Mm. Sinon, dans les séries qui vont bientôt reprendre, pour parler un peu de télé-réalité. Avant toute chose, t'as oublié une nouvelle série qui est peut-être pour parler un peu de quoi. On parle après. Vas-y. Mais t'as oublié une nouvelle série avant de parler ouais. sur les suites, qui est très pourrie, que j'ai vue, c'est The Cape. Oui, mais The Cape, là j'ai pris vraiment ce qui est sorti en janvier, je crois que c'est un peu plus vieux, mais... Ah non, je crois que c'est ici, début ouais. janvier aussi. Ok, hein. Ben... Enfin, par exemple, parce que moi j'ai pas vu du tout. Je ne sais même pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est mauvais. Ben c'est très mauvais, je vais vous le dire tout de suite. C'est l'histoire d'un flic, dont Vince Faraday, voilà, je retombe sur son nom. Flic, tout ce qu'il y a de plus droit dans ses bottes, on va dire, hein, qui essaye de sauver une ville de tous les flics ripoux, je ne sais plus le nom de la ville, qui essaye de sauver la ville de tous les flics ripoux, qui essaye de... Pour ça, il y a déjà le super-héros qui vend des comics. Mais justement, attends la suite, tu vas voir. Justement, ça va se corser après. Donc il essaie de... Hein, il est droit dans ses bottes, lui. Il a une femme et un enfant, etc. Et il y a dans cette ville un grand vilain, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Chess, parce qu'il fait beaucoup de références aux échecs. Il y a un grand vilain, donc... Qui fout le bordel hein, dans la ville. Et alors un jour en fait ce policier se voit proposer parce qu'il y a une grande société qui s'appelle Arc Industries dans la ville qui est en train en fait de faire accepter au maire le fait que qu'ils vont gérer une police privée en fait pour enrayer le crime, que plutôt vu que tous les flics sont ripoux, Arc Industries va montrer sa propre police privée et va gérer la loi, va faire régner l'ordre et la loi. Et un jour, donc, Vince Faraday se fait engager par Arc Industries. Et en fait, il se rend compte, il y a un mystérieux blogueur, comme par hasard, un mystérieux blogueur que personne ne connaît, qui prend contact avec lui en piratant son ordinateur. Oh, ça, c'est toujours magique. Ça, c'est le truc magique. Hein, ouais. Il fait apparaître un logo sur l'écran, il explose une couleur partout. Enfin, c'est. Et qui lui dit en fait que monsieur, le gérant de Arc est en fait le grand méchant Chess et que c'est lui qui fout le bordel dans la ville et que c'est un grand criminel. Donc Vince Faraday décide de mener l'enquête. Le gérant de Arc, dont j'ai oublié le nom, tombe dessus. C'est déjà chier en fait, très court résumé. Et alors, monsieur, parce que je fais un long résumé, je m'embrouille un petit peu, mais je vais aller non, droit au but. Non, c'est très clair, mais ça m'emmerde. Et donc, le grand méchant donc, le capture parce qu'il est en train de fouiller dans ses affaires. Et avec un de ses collègues qui croyait être son ami d'ailleurs, au passage, comme par hasard, hein, son ami est un traître. Il lui cloue à la tête le masque de Chess et l'envoie courir dans les rues de la ville. Donc évidemment les flics en le voyant pensent que c'est le grand méchant et tentent de le buter, ce qui est logique. Donc ils parviennent à faire exploser un wagon en dessous duquel il se cache, et comme par hasard il y avait une trappe en dessous, donc lui a eu juste eu le temps de sauter dedans et survit. Et là il se retrouve en fait dans un cirque avec des gens un petit peu bizarres de toutes sortes qui ont chacun des spécialités. Et il décide en fait de devenir un. Vu que lui est vu comme un criminel, il ne peut pas rentrer chez lui. Donc il décide de devenir un super-héros et de combattre le crime. Oh putain. Alors, ce qui se passe dans le cirque, et c'est là aussi que c'est encore plus kitsch que tout ce que je viens de raconter, c'est que le gérant du cirque a une cape, pas vraiment magique, mais. Parce qu'il n'y a rien de magique en fait dans cette série, tout se veut normalement sérieux. Mmh. Une cape en fil d'araignée, soi-disant, je ne sais plus de quel pays, de quel magicien. Et cette cape a un potentiel assez énorme, c'est-à-dire qu'avec ses bras, en faisant des mouvements de cape, il peut l'étirer, saisir des objets, casser des objets. c'est complètement ridicule. C'est bon, okay. Il peut voler avec, il peut. Et alors, les différentes personnes dans le cirque lui apprennent, le magicien lui apprend à disparaître dans un nuage de fumée, l'hypnotiseur lui apprend à hypnotiser les gens, il y a un abo qui est très balèze, lui apprend à se battre. Enfin, chacun sa spécialité lui apprend à devenir un vrai super-héros. Et il va donc essayer de combattre Chess, le grand méchant. J'ai quelque chose à ajouter que t'as oublié. Ça a l'air super. La cape est censée avoir appartenu à Merlin. Voilà, voilà, quand c'est à Merlin. Voilà. Merlin enchanteur. Bah, à mon avis. Voilà, donc... et il devient un super-héros. Donc cette série est abominablement pourrie. J'imagine, oui. Au début du premier épisode, on se dit, bon, chouette, peut-être une nouvelle série de super-héros. On se dit, héros, c'était excellent au début. Ouais, la première saison, hein, parce oui. que après. Après, d'accord, mais la première est excellente. Excellente, elle était pas mal. Quoi. On se dit, pourquoi pas ? Eh ben non. Ah non, non, non. Il faut s'arrêter là parce que Le deuxième épisode, c'est bien simple, je me suis endormi, j'ai loupé les 20 dernières minutes. C'est vrai que t'as pas compris l'histoire. Non, le deuxième, donc le premier. En plus, le premier, le pilote, sur 40 minutes, il te raconte tout ce que je viens d'expliquer. Hein. Mmh. C'est un condensé qui te mène au moment où il est super-héros. Hein. Alors, comble du ridicule aussi, il pense que dans cet imbécile-là de Faraday, crétin, ne pense qu'au deuxième épisode à mettre un masque. Donc, c'est-à-dire que là, il y a juste une cape avec une capuche. Mmh. Et comme par hasard, quand il combat les méchants ou qu'il y a les policiers ou quoi. Non, justement, jamais il ne perd sa capuche. Personne ne voit son visage. Il dit qu'elle n'est pas collée là, tu vois. Ah non, parce qu'il l'enlève comme il veut. Mais personne ne voit son visage. Comme par hasard, il arrive à se battre. À sa cape en toile d'araignée, parfois il la décolle comme il veut. Et même pire, à la fin du premier épisode, il va voir son fils déguisé en deux capes, puisqu'il se fait appeler comme ça. Hommage à un super-héros. Il a tiré au problème momentan. C'est hommage à un super-héros d'un comics que son fils lit. Et il va voir son fils, et il lui parle en lui expliquant que son père n'est pas un vrai criminel, et son fils ne le reconnaît pas. Il n'y a qu'une capuche. Mais son fils ne le reconnaît jamais. Il a la même voix, il a tout. Bah, c'est un peu le syndrome Clark Kent. Heureusement, dans le deuxième épisode, il pense quand même mettre un masque. Hein, il pense à en créer un, c'est déjà pas mal, mais bon. Mmh. Enfin, voilà, c'est... Eh ben, ça m'a... Ça n'a pas donné envie. Hein. Non, j'ai vite... Ah non, mais moi, ça m'a... J'ai vite zappé. Ça m'a coupé le souffle. On peut plus. Voilà, donc ça, c'était la série pourrie au début janvier. Si vraiment il y en a une qui est à ne pas voir, c'est celle-là. C'est vraiment celle-là. Frappe à long feu, à mon avis. Voilà, je sais pas, tu as parlé d'une série d'animation peut-être après Ah oui, j'avais oublié. Il y a une série d'animation, mais j'ai pas spécialement aimé, mais c'est Bob's Burger. Et c'est sur la Fox, ça fait partie de leur bloc de comédie d'animation avec Family Guy. On dirait Bob l'éponge. Et The Simpsons. Mais c'est sur l'histoire d'une famille qui a un restaurant, enfin pas vraiment un restaurant, un diner quoi. Où ils font des burgers, hein, c'est impressionnant. Waouh! Wow. La folie. Et voilà, c'était pas très passionnant, mais bon, c'était peut-être pas mon délire. Le niveau dessin, c'est pas ce que j'aime. Donc. Bon, non, on peut comprendre, ça n'a pas l'air américain, quoi. Peut-être que eux aiment. Je sais pas. Je crois que c'est ceux qui ont fait Home Movies avant. Qui a un petit. Moi. Je me dis rien. Non, mais je crois qu'il y a quand même des fans. C'est un petit peu culte, quoi. Mais ça, j'aimais pas non plus. S'il vous plaît, qu'on arrête avec cette dénomination de culte. Oh, oui, ça me gonflait. Ça, c'est un autre débat, effectivement. Mais c'est vrai que beaucoup de choses peuvent être vues comme culte. Ah oh, si putain, les gens qui me trouvent des 150 trucs cultes. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'était juste une. Bon. Un petit aparté. Bah, Stetson, tu vas finir alors ou Ouais, puisque si je parle de tes réalités, il va râler. Donc, Au niveau timing, on commence à être un petit peu juste. Donc, on va peut-être embrayer sur le débat de Monsieur Chauve alors. Hein. Mm-hmm. C'est parfait. Mais donc, merci pour ton sujet alors. Monsieur Chauve, donc c'est à toi. Ah non, avant toute chose, on va faire une petite info à la con, une petite interlude à la con quand même. Et puis, on passera alors au débat sur la 3D. Du connard. Donc petite interlude à la con. Donc je vais vous faire écouter en fait quelques petits trucs, mais je pense Chauve que tu vas aimer en fait. Je sais pas pour Stetson nécessairement, mais Chauve je crois que c'est plus ton style. Donc j'explique tout d'abord. Attendez, je bouge un peu le micro parce que je l'avais déplacé, voilà. Donc j'explique tout d'abord. Donc en fait les sons que je vais vous faire écouter c'est extrait d'un film en fait qui s'appelle Maîtresse très particulière. Donc le film ne dit rien à personne, mais le principe c'est que ça a tellement marqué les esprits par ses dialogues, que certains se sont amusés à compiler les dialogues et à les distribuer sur internet. Donc je vais vous faire écouter quelques extraits, je pense que vous allez bien rire. Donc on va commencer par ça, le premier. Hein. Tu veux ma queue ? Oui, je veux ta queue. Tu veux ma belle queue ? Je veux ta belle queue. Tu veux ma gentille queue ? Je veux ta gentille queue. Voilà, je reste avec chose, ça allait te plaire, c'est pour ça que je l'ai tu mis. Tu veux ma belle queue ? Voilà, donc je te passerai le lien internet avec toutes les répliques si tu veux. Donc c'est vraiment. Je sais pas ce que c'est comme film, j'ai pas su voir le film. Je vais t'en repasser d'autres, ne t'inquiète pas. Mais celle-là aussi. Je n'ai pas vu le film, mais honnêtement, rien qu'à entendre les dialogues, ça doit être quelque chose de terrible. Attends, Chauve en veut un deuxième, donc je vais passer un deuxième. Non, mais remets le premier aussi. Attends, il y en a d'autres. Je vais te défoncer ta gueule de conne avec ma grosse queue. Ah, oh, j'ai le cœur qui éclate. Alors je vais t'écracher cette spermatozoïde que tu voulais. Tu les veux? Oui. C'est, vous avez remarqué que c'est très... Ouais, c'est, ce sont des dialogues, c'est du Audiard, quoi. Ouais, c'est cru. C'est du grand dialogue. Donc il y en a comme ça, ici j'en ai 49 par exemple de MP3. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Donc apparemment, voilà, c'est un film assez... Tu veux ma queue? Attends, je vais y remettre pour Chauve. Tu veux ma belle queue? Chauve, ça lui fait plaisir, donc je vais remettre le premier extrait. Tu veux ma queue? Oui, je veux ta queue. Tu veux ma belle queue? Je veux ta belle queue. Tu veux ma gentille queue? Je veux ta gentille queue. Qu'est-ce que je suis, Verlet? Quoi? Oh, j'avais la chatte, on aurait dit une éponge. Oh. Bon. Vous voyez, c'est okay. Très... n'est-ce pas, hein? Pour les gens qui aiment... Quand ce je te montre ma queue, ça fait truc, vraiment jouir. Je vais aller écouter Gronibar. Oui, c'est un groupe de metal qui a la particularité de toujours mettre des petits extraits sonores exactement du même genre avant ses chansons. Enfin, ses chansons, ses morceaux. Effectivement, je recommande aussi. C'est très très bourrin, très très kitsch, mais... Alors voilà. Mais donc, c'était la petite affaire à la con, donc maintenant on va passer... Tu veux ma queue? Au non. Débat de Monsieur Chauve. Tu veux ma belle queue? Non. Tu veux ma gentille queue? Non. Et alors, Monsieur Chauve, avant de passer à ton débat, je vais repasser quelques petits extraits, donc je vous conseille de remettre ton casque. Ah oui. Je vais passer d'autres petits extraits avant de... Tu veux ma queue? Alors, oui, d'embrayer sur ton jingle et sur ton... Tu veux ma gentille queue? Sur ton c'est débat. Goût de voir ce tison incandescent sur ta peau. Oh. T'aimerais qu'elle te chatouille les amygdales, hein? Est-ce qu'elle en est tout fait? C'est pas un concours de vitesse. C'est une vraie tronçonneuse. Je vais te tronçonner la gueule, moi, oui. Mmh. C'est ça, là. Moi, je te tronçonne. Tu veux ma queue? Oui, je veux ta queue. Tu veux ma belle queue? Je veux ta belle queue. Tu veux ma gentille queue? Je veux ta gentille queue. Peu brusque, excusez-moi. Chauve. Pardon. On avait dit pas ce genre de bêtises, s'il te plaît. Donc, bon. Ferme ce dossier. Voilà, ferme ce site internet, Chauve. Je sais que ça t'a plu, mais... En plus, on l'entend assez mal au micro, je ne t'ai pas raccordé, donc ça passera très mal pour les auditeurs. Oh. Bon, si tu veux bien m'embrayer sur ton débat, alors. Oui. Alors, vas-y, de quoi vas-tu... Enfin, nous parler. Nous faire parler, plutôt. Oui, c'est vous qui allez débattre. Moi, je ne fais que... Que... Bah, que lancer le sujet, et puis après, vous vous démerdez. Je suppose que tu peux quand même débattre avec nous, tu as quelques, oui, pistes, bah oui, quelques bien, idées sur le sujet. J'aurais bien un petit avis, quoi, mais... Vas-y, donc, alors, on t'écoutons. Je me sers un verre, d'abord. Enfin, les auditeurs t'écoutent, essaye de t'écouter, oui. Parce que... Tu es dissipé, encore? Oui, bah oui, comme toujours. Donc, on voit de plus en plus, au cinéma, des films qui sortent en 3D, parfois... C'est une bonne idée, parfois c'est une très mauvaise idée. Ouais. Donc, apparemment, on se dirige de plus en plus vers le tout sur la 3D. Donc j'aurais voulu... Tout sur la 3D? Oui. Avoir votre avis, même si je le connais déjà, et débattre quelque peu autour de cela. D'accord. Vers quoi on se dirige? Est-ce que c'est susceptible de vous plaire? Sur quel genre de film nous plaire, j'en connais déjà un qui, qui va dire... Bah, qui s'exprime au lieu de regarder des trucs de cul sur son PC. Bah, invite-le à s'exprimer, alors. Ah, ça te sonne. Non, moi, j'aime pas la 3D. Après, il y a quelques films où ça marche, hein, mais... Genre bah, Avatar, par exemple, était bien fait en 3D. Parce que c'était le premier. Oh non, c'était pas le premier. Ouais, non, c'est pas le premier. Heureusement pour lui qui était bien fait en 3D, parce qu'à part les effets spéciaux et la 3D. Oui. C'est quand même une bonne bouse. Hein, il n'y a pas grand chose à voir. Danser avec les loups au pays des Schtroumpfs, mélanger à Pocahontas, le tout en 3D. Ouais, il était. c'est le premier film qui valait la peine d'être vu en 3D. Mm-hmm. Enfin, il valait la peine d'être vu parce qu'il était en 3D. Bah, voilà, justement, déjà, on peut faire chauffe si tu veux avoir une, déjà une distinction. Moi, je ne l'ai même pas vu en 3D, je l'ai vu en normal. C'est sympathique parce que c'est bien foutu, mais bah, c'est normal, c'est bien foutu, mais oui, voilà. Bah, l'histoire, le scénario, putain. Oui, le scénario, c'est naze. Mais si tu veux déjà une deuxième une petite distinction, il y a. Déjà, moi, je trouve qu'on peut déjà distinguer deux choses, en tout cas au cinéma, parce que la 3D, je suppose qu'il y a d'autres domaines dont tu vas nous parler, mais il y a les films qui sont faits pour la 3D, ouais, qui ont été créés en 3D, pour ça, et là, bon, la plupart du temps, la magie opère, et ça peut être sympathique, et voilà, ça apporte pas nécessairement un grand intérêt, mais le spectacle est là, et d'un autre côté, il y a les films qui ne sont pas faits pour la 3D, qu'on a après adaptés en 3D, pour, voilà, en post-prod, pour gagner un peu plus de fric, tout simplement. Pour avoir de toute façon, c'est le but de la 3D, c'est pour pouvoir augmenter les prix. Et à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, pour moi, aucun. Quoi. C'est... J'ai été voir comme ça Green Hornet, par moi exemple. Aussi, déjà, heureusement. Déjà, le film en lui-même aussi, était pourri. Pas en 3D. Déjà, le film en lui-même était pourri. Oui, pourquoi pas. Mais alors, la 3D, c'était une catastrophe. Enfin, moi, ça faisait sourire. Mais moi, je me suis fait taper sur les doigts sur Internet quand j'ai publié. J'étais le voir le jour de la sortie. Très très gay comme film. Le quoi? Green Hornet, c'est quand même très très gay et lesbien quoi, comme film. Bah, et, chauffe, tu me rassures parce que j'ai été le voir le jour de la sortie et quand j'ai publié sur Internet en disant que c'était une catastrophe. Ouais, tu m'as dit, mais les gens sont cons. Les gens se sont jetés sur moi, mais tu ne comprends rien. Faut sortir des films hollywoodiens à gros budget. C'est génial. Bah, c'est... Moi, je trouvais ça. Non, mais pour moi, c'est pas nul, c'est pas génial, mais c'est pas. J'ai trouvé que c'était un navet, moi. C'est un navet, c'est un gros navet, quoi. En plus, non. Ça s'assume. L'acteur principal, il joue comme un pied, on ne sait jamais, il est entre le séducteur. Il joue comme il joue dans ses autres films, c'est le style de Seth Rogen. Bah, il joue comme une merde, désolé de te dire. On ne sait pas où il se situe, quoi. C'est un coup, il cabotine 10 fois de trop, un coup, il est le gaffeur de service. Le chinois qui est avec lui, on se demande ce qu'il faut avec lui, on se demande pourquoi il veut bien être sous sous-fifre alors qu'il est 10 fois plus fort que lui. Le scénario tourne en rond sans aucun intérêt, est ridicule sans s'assumer comme tel, sans s'assumer vraiment dans la parodie. Enfin, pour moi, c'est un désastre. Non, c'est pas le sujet, toi. Ah bah vas-y. Non, c'est pas... Bon, voilà, donc pour moi, bref, on va pas débattre du Green Hornet ici, mais pour moi, il y a deux catégories. Il y a les films faits pour la 3D, où là, ça peut avoir un intérêt même si minime. Et il y a les films qui n'ont pas été faits pour la 3D, et là, c'est absolument... Non, ça atteint un intérêt minime quand c'est bien fait. Avatar n'a aucun intérêt en 2D. Mais il n'a pas plus d'intérêt en 3D, si, parce qu'il a... De voir la profondeur des champs. Au niveau spectacle, au niveau visuel, mais ben oui. Ça ne fait pas gagner un intérêt quelconque au film. Le seul intérêt d'aller voir le film, c'est de le voir en 3D. Oui, sinon, ça vaut pas la peine. Avatar, c'est peut-être un cas part parce que c'est vraiment que pour la technique, mais sinon, à part ça, enfin, je sais pas. Ça apporte un intérêt, oui, ça apporte. Je vois ce que tu veux dire. On parle pas de la même chose qu'on parle d'intérêt. Oui. Si on parle de visuel, la 3D, ça fait partie du visuel. On parle pas de la même chose en tant qu'intérêt, je suis, oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. T'as raison, effectivement. Je me suis mal exprimé, t'as raison, effectivement. Sur un film qu'on va. Oui. Ça apporte de l'intérêt visuel au film. Ça n'apporte pas un intérêt scénaristique. Non, mais voilà. Jamais, comment dire? Ce que je veux dire, c'est que ça ne. Comment est-ce que je pourrais exprimer ça? C'est pas un plus comme. Qui pourrait jouer. Que les... J'arrive pas à m'exprimer. Que les réalisateurs pourraient, par exemple, jouer avec la 3D. Et créer des effets autour de ça qui ferait une sorte d'interactivité avec le public aussi, ou qui... Autant pour imaginer des choses qui ajoutent quelque chose de nouveau au cinéma, que là, pour moi, c'est juste un gros argument commercial et point barre, quoi. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. C'est un gros argument commercial pour nous vendre des tickets encore plus chers et en vendre plus, quoi. Bon, c'est surtout pour essayer de couper les pertes qu'ils subissent depuis des années. Mais ouais, je sais pas si c'est comme ça qu'ils vont y arriver, d'ailleurs. Bah, si. Enfin, le principe du blockbuster, c'est assez récent, ça date de Jaws et de Star Wars. Et le problème, c'est que ça descend depuis des années, les blockbusters, ça perd de l'argent beaucoup plus. Et c'est complètement impensable de claquer 300 millions dans des salaires d'acteurs pour faire un film. Mais c'est juste à cause de films comme Avatar qui rapporte tellement. C'est déjà crétin de claquer 300 millions dans des salaires d'acteurs, je trouve, surtout. C'est un autre débat, mais... Et le problème, c'est que tu as de temps en temps des films comme Avatar qui rapportent tellement que ça leur donne envie de continuer à refaire ça à chaque fois. Mais ça apporte l'intérêt. Quand même, dans Avatar, tu as les profondeurs de champ à certains moments. C'est... Oui, non, ça... je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. J'ai été voir, c'est peut-être un exemple à la con, mais j'ai été voir Megamind, dessin animé. Les dessins animés en général passent bien en 3D. Là, franchement, c'était génial, j'ai adoré. Un simple exemple d'une petite touche 3D que tu vois que ça a été conçu pour et qui fait la différence. Un moment où le héros fait un discours sur scène, tu vois tout un public, et avec la profondeur en 3D, t'as l'impression de voir en ombre dans la salle des gens avec leur téléphone portable en train de filmer le discours qui se passe au fond sur la scène. Ouais. Donc tu es vraiment là dans une profondeur, ouais, et ouais. Tu es dans l'intrigue du film à ce moment-là, à ce même instant. Style, Donc là, oui, mais. J'avais joué à Crisis 2 en 3D. Ah, t'as testé le jeu en 3D, t'as. Parce que ça, c'est vrai que c'est encore autre chose, et là, je suis plus pour. Mais c'était fort bien fait parce que la 3D au final te donnait juste l'impression d'être vraiment dans l'armure. Tu avais le HUD qui était au premier plan près de toi, et puis tu voyais le reste du jeu et au loin, quoi. Mm-hmm. Et donc ça te donnait vraiment l'impression d'être avec le casque et que le casque soit vraiment près de toi comme ça. Et puis après, au loin, tu voyais le. C'était une bonne expérience. Bah, pour les jeux, je suis déjà peut-être un peu plus. Pour certains jeux. Oui, pour certains jeux, oui. Je ne me vois pas jouer à. Mais oui, le jeu a plus d'intérêt que le ciné pour la 3D. Je ne vais pas jouer à World of Goo en 3D, quoi. Ça n'a pas aucun intérêt. Mais c'est vrai que je ne me vois pas, par exemple. Madden en 3D, mais un vrai Madden, hein, pas le Madden de la 3DS. 3DS. Pourquoi pas Qu'est-ce qu'il a le Madden de la 3DS? Mais il est moche. C'est surtout que Stetson est anti-3DS, mais c'est une scène portable, faut pas l'oublier. Ça, c'est encore un autre débat qu'on a déjà eu plusieurs fois, mais. Elle est moche. Les jeux sont moches. Je regardais. Moi, j'ai récemment parlé à quelqu'un qui a pu aller la tester, parce qu'il fait partie du club Nintendo, il a pu aller tester. Il me dit, par exemple, sur Street Fighter 4 et sur Kid Icarus, il me dit, c'est génial, c'est magnifique. Je suis en train de regarder des images de Madden 3DS. Mais regarde un peu les images de Zelda sur la 3DS. Pour une portable, c'est quand même pas mal, quoi. C'est moins beau qu'un smartphone d'il y a un an, quoi. Oui, mais attends, c'est une portable. Ouais, il n'y a pas que ça, il y a la 3D aussi. La 3D, ça change rien. Enfin, c'est si, ça change quand même. Ouais, mais regarde, tu peux. Sur la PS3, tu peux afficher en 3D. C'est une TV 3D. Et ça ne tue pas le graphisme des jeux. Je ne dis pas que ça tue, il faut un apport de puissance plus conséquent pour. Oui, mais bon, de toute façon, elle n'est pas puissante du tout. C'est pas de toute façon, encore une fois, pour moi, c'est le jeu qui importe, c'est pas le. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ce que je voulais dire par rapport au jeu. Zelda 3D, c'est pas très beau. Mais c'est celui de reprise au Ocarina of Time sur 64 aussi. Donc ils n'ont pas vraiment rafraîchi, malheureusement. Mais moi, ça me donne envie de plonger dans le temple de l'eau qui m'avait pris des. des semaines sur 64, enfin j'exagère un peu. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'à domicile, parce que là on parlait du cinéma, mais à domicile, la 3D sur un écran de TV, j'en vois aucun intérêt. Bah, ça déjà, me fait chier de m'asseoir dans mon fauteuil et de regarder un film et de l'avoir plein la tronche avec des effets de relief. Non, mais pour moi, la 3D intéressante, c'est la profondeur de champ, et ça, c'est intéressant dans plein de films. Mais tant qu'il n'y aura pas de. De 3D sans lunettes. Ouais, sans lunettes. Mais de toute façon, même de m'asseoir dans mon fauteuil, j'ai pas envie d'avoir un truc qui fait mal à la tête ou qui, non, moi non plus, qui ça me force un autre problème, à travailler le cerveau, et comme c'est le cas là. Par contre, dans les jeux vidéo, où là, tu es plus investi dans l'univers, tu interagis avec l'univers, là, j'y vois plus un intérêt, moi. Je pense vraiment que là, façon, ça peut. De toute façon, si ça marche, à mon avis, ce sera plus par le jeu vidéo que par les films. Ouais. Je pense aussi, personnellement, je pense que c'est là vraiment qu'ils doivent. Mais bon, ça allait. Mais tant qu'il n'y aura pas de TV sans lunettes, de toute façon, ça. Personne ne va acheter des TV. Hein. Ça arrive. Ouais, mais. Pas de suite, quoi. Avant que ce soit acceptable. Les gens ont quand même acheté leur TV HD il n'y a pas longtemps aussi. Hein. Faut quand même. Va falloir les remotiver. Non, mais je veux dire. Leur... Oui, non, mais je veux dire, il ne faut peut-être pas l'acheter. Mais les 3D, TV 3D sans lunettes arrivent. Oui, oui, elles vont arriver. Mais de là à ce que ce soit acceptable. Voilà, que ce soit adopté par le grand public, ça, c'est une autre histoire, quoi, effectivement. Bon, voilà, bah. Pour. En gros, contre, la plupart du temps. Enfin, contre. Oui, déjà. Pas intéressé, mais. Il y a quand même pour. Il y a des problèmes. Tu parles du mal de tête, ça, c'est un énorme problème. Parce qu'il y a des gens qui auront toujours mal à la tête. Il y a des gens qui verront jamais la 3D. Aussi, oui. Il y a des gens déjà qui ne voient pas les couleurs. Alors, je connais quelqu'un qui ne voit pas les couleurs et qui ne voit pas en relief dans la vie normale. Imaginez le. Il ne voit pas en relief ? Non, elle ne voit, elle, parce que c'est une femme, ne voit pas le relief, et ne, enfin, ne voit, perçoit pas bien le relief, et ne voit pas les couleurs. Mm-hmm. Ça doit être très pratique à vivre. Ouais, c'est ça, quoi. Bon. Déjà, tout histoire. Ça, c'est des problèmes. Imaginons que tu n'as pas mal à la tête, et qu'il n'y a pas de lunettes. Pourquoi pas, mais ça n'arrivera jamais. Déjà, le mal de tête, c'est un problème. Comme on en discutait dans un autre podcast qu'on a animé récemment, Télécom pour de nouveau ne pas faire de pub. Le numéro 0 sera disponible à l'heure où vous écouterez ce podcast, très certainement. Donc, bref, comme on en parlait justement, parce qu'on parlait de la 3DS dans ce podcast-là, il n'y a rien à faire. Le cerveau humain n'est pas adapté pour recevoir des images en 3D comme ça. Et ça, c'est ça que tu disais, ça le force à travailler beaucoup plus en fait. Il peut le faire, mais il doit réfléchir. Voilà, il doit travailler plus. Donc, d'où ces syndromes de mal de tête. Déjà, je pense déjà. Bon, la plupart des gens l'ont, à rester devant un écran toute une journée, après un moment, on ressent déjà parfois certains mal de crâne, parfois... Alors si on ajoute la 3D, ça risque d'être encore plus compliqué pour nous autres qui sommes habitués à rester des journées entières devant l'écran. Enfin, je parle pour moi personnellement et pour Stetson à mon avis, chose je ne pense pas. Si, quand j'ai rien d'autre à foutre, si. Bah voilà, le problème du mal de tête, c'est peut-être le plus gros problème, parce que ça donne pas envie, quoi. Ouais, d'office. Après, oui, dans les jeux, ça peut être intéressant, ça peut apporter des trucs, mais si c'est pour pouvoir jouer une heure et puis après devoir faire une pause parce que t'as mal la tête, bof, quoi. Un joueur, quand il joue, ça peut être des longues sessions, bien plus qu'un film. Ouais, c'est vrai. Donc, que... quoique, moi, je suis déjà resté des journées entières à regarder des séries ou des films, faire l'intégrale aussi, mais... Mais c'est vrai que joueur, tu... En plus, joueur, tu... te force plus à réfléchir encore parce que tu dois tu joues quoi. Donc voilà, tu es le cerveau est vraiment à fond attentif et Après il y a des jeux où ça pourrait être sympa, comme je disais, Crysis, ça se prêtait bien. Un jeu comme Heavy Rain pourrait être sympa en 3D pour être encore plus immersif. Heavy Rain, oui, effectivement. C'est un grand fanboy de... Non, mais je peux comprendre. J'ai pas joué beaucoup à Heavy Rain, mais je peux comprendre. C'est vraiment c'est pas un des premiers, mais c'est un jeu vidéo tellement proche d'un scénario de film tellement c'est une réussite dans le genre, ça je suis d'accord avec toi, c'est mais bon, ça c'est encore un autre débat où on dérive. Pour résumer, je ne suis pas pour la 3D, mais bon, on va bien devoir la subir, quoi. Je crois qu'on avait compris. Oui, bon, non, j'ai quand même pas été si négatif. Non, justement, et toi Chauve, parce que c'est toi qui a pondu cette idée de moi, je m'en fous. C'est pratique, ça. Tout ce que tu mérites. C'est quoi? Un bruit de fouet. Oh. Bah, remets tes écouteurs, tu vas voir ce que tu mérites. Voilà, ça c'était pour toi. Parce que monsieur anime un débat et n'est pas foutu de donner un avis construit sur la chose. Non, mais moi c'est assez modéré, donc... Ça dépend sur quel type de... Au cinéma, ça dépend sur quel type de film, déjà. Si c'est un gros film d'action qui en vaut le coup. Enfin, pas forcément d'action, mais... Oui, parce que qui en vaut le coup, qui a été conçu pour aussi. Parce que, par exemple, il nous parle de ressortir Star Wars en 3D. Moi, je suis un grand fanboy de Star Wars. Déjà, la 3D ne m'intéresse pas le moins du monde là-dessus. Qui a été conçu pour, déjà. Qui fait d'office. Pas qui a été... qui a été filmé avec des caméras 3D comme James Cameron a filmé Avatar. D'ailleurs, voilà. Petit aparté, je me permets. Parce que il y a aussi un autre problème. Je vais vite une aparté parce qu'on en discutait justement dans Télécom et j'ai la réponse. Les gens n'auront qu'à écouter ce podcast-là avant s'ils veulent le savoir de quoi je parle. Donc on discutait là-dedans de la 3DS avec cette possibilité de filmer en 3D. Ouais. Et on se demandait à quoi ça servait. Bah, à créer du contenu. Et en fait, le principe, c'est que je vous ai parlé également de cette réalité augmentée avec les cartes. Ouais. Donc ça, pour rappel, ceux qui n'ont pas écouté le podcast, peut-être, la 3DS bénéficie de trois caméras, une en façade et deux à l'arrière qui permettent de filmer en 3D, parce qu'il faut deux caméras pour... et permettent de jouer à des jeux en réalité augmentée. Donc le principe, c'est en fait de poser une carte sur une table, de prendre la 3DS et de filmer avec cette caméra en 3D. Et le fait de filmer cette table avec cette carte en 3D, en fait, va créer... autour de cette carte sur la table ou à l'endroit où vous vous trouvez, le jeu en fait va s'en servir comme décor de jeu et va implémenter dedans des personnages avec lesquels vous pourrez jouer. Donc c'est comme ça en fait que ça va fonctionner sur 3DS, la réalité augmentée. Voilà, je trouve le concept sympa personnellement. Je sais pas si j'étais très clair, Chauve. Pas tellement, mais c'est pas grave. Bah, tu as sur la carte, la table, tu poses une carte. Ouais. La 3DS, tu filmes à deux caméras à l'arrière, donc elle peut filmer en 3D. Tu filmes en 3D cette carte, avec ce qu'il y a autour. Hein, si tu as la table, par exemple ici, moi j'ai un clavier et un micro, bah, je filme le clavier et le micro en même temps. Et en fait, ce qu'elle verra là en 3D, elle va s'en servir comme décor de jeu. D'accord. Donc sur ta 3DS, tu verras apparaître sur mon clavier, il y aura un personnage, sur le micro, un autre personnage, et je pourrai jouer avec ça comme élément de décor en fait. Voilà, moi je trouvais le concept sympa. Il y a moyen de faire de belles choses. Il y a un gadget qui marche pendant 2-3 jours et puis voilà, c'est ça le problème. Il y a moyen de faire de belles choses, mais je pense qu'ils ne pousseront pas le bouchon comme moi je l'imagine. Parce que moi je suis toujours très optimiste, moi j'imagine. Je suis un rêveur. J'imagine directement des concepts de jouer à Street Fighter 4 en me battant sur ma table de salon par exemple. Mais je pense pas que ça arrivera. Voilà, bon, c'était une petite aparté, excusez-moi. Tu perdrais souvent, à mon avis. Aussi, oui, ça risque d'être compliqué. Parce que le jour, enfin, le temps que ça arrive, tu seras trop vieux pour jouer à Street Fighter 4. Bah, ça. Non, tant que ça arrive Street Fighter 4, peut-être, mais ce concept-là, il arrive le 25 mars avec la sortie de la 3DS. Le concept que je suis en train d'expliquer. Sur ta table. Pas sur ta table. Mais avec Kinect, ça pourrait être jouable. Aussi, enfin bon. Avec un Kinect à même. De toute façon, t'es déjà trop vieux. Je ne serai jamais trop vieux. Pour jouer à je crois qu'à 50 ans, je serai toujours occupé à jouer. Il sera cassé par son fils. Peut-être, ou ma fille, il faut voir. Sinon, un autre problème que j'ai pas dit, c'est en général, ils sont plus sombres, les films en 3D. Plus sombres ? Ouais, ils sont un peu plus sombres. Ah, j'ai jamais remarqué ça. Bah, déjà, ils sont plus sombres de base, et en plus, ils sont plus sombres à cause des lunettes qui filtrent un petit peu la lumière. Ouais. Légèrement, hein, mais à force, tu vois, Tiens, je me pose une question tout d'un coup. Je me suis jamais posé. Mais au niveau 3D comme ça, stéréoscopique, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, sans lunettes. Ouais. Je dis pas de bêtises. Actuellement, ils parlent de télévision qui vont arriver comme ça, de consoles de jeux comme la 3DS, et au cinéma. Est-ce que c'est prévu, il y a quelque chose de prévu un jour ou pour avoir de la 3D sans lunettes. On va toujours se coltiner ces saloperies de lunettes. À mon avis, il n'y a pas le choix que ce soit avec des lunettes vu que c'est des projecteurs. Vu que c'est des projecteurs, oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ce détail. Parce que j'ai vu récemment un écran. Il y a des Chinois qui ont mis ça au point, un écran de 5,8 mètres de diagonale pour, en 3D. Donc c'est vrai que ça peut aller dans des grandes tailles, mais comme ça avec un projecteur, c'est vrai que ça va être... Ouais, donc au cinéma, on sera toujours emmerdé par cette saloperie de paire de lunettes. Ouais. Quoi. Bah, l'autre problème aussi, c'est qu'il faut avoir la bonne place. Pour, tu vois, il faut pas être... ouais, faut trouver le bon angle, il faut pas être trop loin, il faut pas être trop près, donc ça réduit la zone où tu peux aller, quoi. Enfin, ouais, donc. Trop de problèmes avec la 3D. Ouais, trop de choses qui sont pas encore réglées. Pas mais il le pousse tellement que même si t'as pas envie, t'es quand même un peu obligé. Peut-être qu'un jour, hein, on sait jamais. Hein. On va peut-être aller au cinéma sur ces saloperies de lunettes. Et, avec des quand il y aura des hologrammes. Ah ouais, et on verra les personnages se balader. Et alors là, par contre, on n'aura plus aucun problème pour nos yeux. Là, on s'en prendra plein la gueule, par contre. ça va être. Les hologrammes, ce sera la 3D parfaite. Hein. C'est vrai que ce serait. Moi, c'était le rêve quand j'étais plus jeune de regarder Jurassic Park comme ça en hologramme avec les dinosaures qui sortent de l'écran. Ça doit être assez flippant. Oui, ça doit être très flippant. Déjà, quand t'allais à Disneyland. Que certains dinosaures sont plus grands que la salle. Quoi. Tu te rappelles quand t'allais à. Je sais pas si vous avez déjà fait Disneyland avec les lunettes ou dans d'autres parcs d'attractions. Ouais. Regarder un film avec les lunettes, quand t'avais. Au début, généralement, ils te mettaient une moto, un gars qui arrivait en moto et t'avais la roue de la moto qui sortait qui venait t'écraser. Déjà là, tu étais stressé. Avec la salle qui bouge et tout ça. Ouais, c'est encore pire, ils appellent ça la 4D là, avec de l'eau, etc. Mais ouais, ça peut. Enfin bon. Sur ces belles paroles, on va rester là et passer au jeu parce qu'on a envie de voir le Super Bowl. On est en manque de temps et c'est soirée Super Bowl aujourd'hui. Monsieur Chauve est pressé, il a envie de parler, de voir son Super Bowl. Et visiblement, on n'était pas très intéressé par son débat, je pense. Il a plutôt envie de nous laisser parler en fait. Bah, votre avis est plus pertinent que le mien. Plus intelligent, Plus intelligent, certainement pas, mais plus pertinent pour l'occasion. De toute façon, je pense que ce que. Je vais te péter au jeu, mon gars, tu vas voir. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais créer de toute façon un sujet dans la salle de débat du forum sur la 3D, justement. Comme ça, les auditeurs pourront venir en parler. Je rajoute une petite couche de pub au passage. J'essaierai de parler un peu. Mais je trouve pas plus. Que je suis complètement contre. Hein. Ah non, mais justement, tu pourras l'aborder encore plus. C'est pas ce que tu disais en antenne. Hein. Franchement, je trouve pas que j'ai pas été super contre. Il y a des avantages, il y a des intérêts. Mais... Non, ça a été. Mais j'aime pas personnellement. Non, mais j'en ai d'accord, je crois. Le BGS aurait servi à Stetson de faire la différence entre j'aime pas et. Oui, déjà, ça me convient. Encore, vous verrez les chaussures qu'il a au pied. Ça enregistre pas. Il a bien fait. Quoi ? Ça enregistre plus ? Mais si ça enregistre. Ça enregistre. Tout à fait, j'ai pas coupé. Hein. Vous voyez les chaussures qu'il a au pied. Effectivement, il a fait son coming. Bon, allez, là, je vais réellement couper. Donc, on va passer au jeu. Et donc, je disais, pour terminer, donc, bg-show.be. N'hésitez pas à venir sur le forum. On va lancer alors un petit débat sur la 3D, animé par Monsieur Chauve, hein, parce qu'il a l'air intéressé par le sujet, dans la salle de débat. Donc, n'hésitez pas à venir en parler avec nous si vous êtes pour, si vous êtes contre, si vous vous en foutez comme Monsieur Chauve, ou si vous êtes comme Stetson et vous avez décidé de faire votre coming out. Allez, on passe au jeu, les enfants. Voilà, donc bah maintenant, on va passer au jeu, alors, les enfants. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Vous êtes prêts non. à jouer? Non. Bah, étant donné que j'affronte Stetson, oui, je suis prêt. Voilà, donc je vais faire un petit commentaire avant de commencer. Oui, non, je tenais simplement à rappeler que Stetson est le loser historique du BGS. Il n'a jamais remporté un seul jeu. En même temps, vu comment vous avez été ridicule au dernier blind test. C'est vrai qu'on est quand même au cinquième numéro, et il faut reconnaître que sur cinq numéros, sauf celui où il a fait le jeu lui-même, hein, mais sur les trois autres, Stetson s'est lamentablement fait vautré, mais en beauté. Voilà. Que ce soit contre moi ou contre Chauve, peu importe. Non, mais j'assume d'être mauvais au blind test, il n'y a pas de problème. Mais même pas au blind test. Mais on a fait que des... Ah non, on a fait un quiz. J'ai fait un quiz, j'ai fait un quiz et je crois que Chauve avait gagné aussi. Ouais, je t'avais pété quoi. Non, pourtant, c'était jeux vidéo. Si, si, je t'avais pété. Il y avait un quiz sur Mario et il y avait un quiz. Mais celui-ci, c'était sur Mario. Il y avait plein de questions où c'était Chauve qu'on n'avait pas trouvé. Mais Chauve avait dégommé. Voilà, point barre. On n'a pas discuté, Chauve avait gagné. Faudrait le réécouter. Bon, donc je vais vous expliquer alors mon petit jeu pour ce soir. Parce que vous avez l'air de trouver ça bizarre, parce que j'ai fait fermer les ordinateurs de M. Stetson et M. Chauve pour ne pas avoir de triche. Parce que Wikipédia et Google, c'est vite sorti. Donc ils sont obligés de se munir d'un bic et d'un. Ils sont tout nus. Donc vous aussi, auditeurs, si vous voulez jouer, hein, prenez un papier et un bic. On a le droit d'utiliser un smartphone quand même. Ah non, c'est la triche aussi. Range ce smartphone tout de suite, j'ai pas. Rien qui puisse se connecter à Internet. Alors, je vous explique le principe du jeu. Donc, le principe du jeu, c'est que vous allez devoir citer un certain nombre de choses en rapport avec un thème. Mm-hmm. Donc, par exemple, si je vous dis citer trois films de George Lucas, alors vous pouvez répondre, par exemple, La menace fantôme, La paix contre-attaque et Le retour du Jedi. J'ai pris facile exprès comme exemple. Tu veux dire trois mots de film? Non, mais c'est un exemple, voilà. Bon, d'accord. Donc, le principe, c'est simplement ça. Donc, je vous dis citer autant de choses de quelqu'un, mais vous devez les trouver. Donc, le principe, c'est que vous avez un certain temps. Donc, à partir du moment où je fais la question, je mets la musique. Vous avez un certain temps sur cette musique. C'est le premier qui a trouvé fait signe pour buzzer. Je lancerai un buzz s'il faut. On n'a pas un buzz. Ah non, j'ai pas un buzz. Je rire de ta gueule, vraiment. Il faut peut-être qu'on pense à jouer à investir dans des buzz. Ouais. Donc le principe, c'est que le premier qui a trouvé, qui pense avoir trouvé du moins, le nombre de choses en question, buzz, il va les citer. Alors, si il a le bon nombre de réponses et qu'elles sont toutes correctes, il empoche le point. Mm-hmm. Par contre, s'il ne fait qu'une seule réponse est incorrecte, là, le point va évidemment à l'adversaire. Oh putain, c'est vrai. Ça, c'est logique. Hein. Alors, si au bout de la musique, donc quand on arrive au terme des 3 minutes à partie, enfin, 3 minutes, ça dépend des questions, personne n'a buzzé, Vous citez simplement le nombre que vous en avez, c'est celui qui en a le plus qui remporte le point. Okay. Alors, une autre petite règle quand même à ajouter, pas de choses qui ne sont pas encore sorties, même si c'est annoncé ou confirmé. Donc, par exemple, si je demande des films d'un acteur ou de réalisateur, même si le film est confirmé qu'il va sortir par exemple en 2011 ou 2012, il ne faut pas le mettre. Hein. C'est seulement des choses qui sont sorties, qui ont déjà été diffusées. Ouais. T'as où va ? Donc, bon, on va entrer dans le vif du sujet, alors. Vif de qui? Ah, Chauve, s'il te plaît. La blague a déjà été faite des milliers et des milliards de fois. C'était par toi, en plus, je pense. Oui, bien sûr. Ouais, il se répète. Il a dit que c'était un best-of, en même temps. C'est bien ce qu'il me semblait. Après 5 épisodes, franchement, ça a un peu l'air. Ta gueule. Ça, c'est dit, voilà, ça s'est fait, c'est gentil, merci Stetson, merci Chauve. Et je ne retrouve plus ma musique de jeu. Super, c'est bien organisé comme jeu. Aussi bien que mon débat. Voilà, c'est ça. Ça, c'est quand vous entendez ça, c'est que le chrono arrive à son terme. Et là, c'est la fin. D'accord ? D'accord, oui. Ça vous va ? Tu le dis basse. Bah quoi, c'est original, non? Parce que je me suis dit, ouais, que m'étais inspiré des chiffres et des lettres. Je peux même vous mettre, quand vous avez la réponse, je peux faire ça. Si vous avez envie. Ça, il suffit de lever la main et je vous sors ça, quoi. Oh non, tu me fais pas ça une fois. Hein. Quoi, pourquoi? Un peu moins fort, hein, si tu le fais. Bah, vous avez été surpris? Ah oui. Un peu, quand même. Bon, je vais mettre un petit fond musical, quand même, pour les questions, le temps que vous réfléchissiez. Oui, allons-y. Alors, armez-vous de votre bic, les enfants. T'as combien de questions, juste par curiosité? Oh, j'en ai beaucoup. Oui, non, j'en ai... Officiellement, j'en ai 7, et après quelques-unes en bonus, si vraiment je vois que ça n'a pas duré assez longtemps, je les rajoute. Allons-y. Et évidemment, un super banco. Quel chanteur. Donc n'oubliez pas, si vous buzzez, vous devez être sûr de vos réponses. Hein. D'accord? Si vous, vous faites une erreur, le point va à l'adversaire. Hein. J'ai ici de quoi vérifier. Si sur mon portable, ça me dérange un peu. Ouais, c'est bon. Hein. Bon, chauve. Tu peux utiliser mon écharpe. C'est bon? Oui. On peut y aller? Carrément, ouais, moi, tu ça veux me faire le mur et tout. Quoi. Allez, c'est parti alors. Donc pour la première question, il faut citer 8 films. 8? Ah, attention, ah oui, 8. C'est pas rien. Hein. 8 films dans lesquels Leonardo DiCaprio a joué. Oh putain. Petite musique d'ambiance. La musique est un indice en elle-même. Hein. Normalement, c'est pas trop dur. On a fait le test récemment. On est 6. 6, on y arrive facilement. Les deux suivants sont peut-être un peu plus... Putain, il en manque un. Ah, ouais, j'ai trouvé. Ok, je suis à 6 maintenant. Chaud, pas trouvé. Oula. Ah. Vas-y, chauffe. Inception. Correct. Titanic. Correct. Shutter Island. Correct. Roméo et Juliette. Correct. Les Infiltrés. Correct. Gangs of New York. Correct. La Plage. Correct. L'Aviator. Mmh. Magnifique. Que dire de plus? La culture est en marche, les enfants. La culture, c'est moi. Merci, merci. J'en ai 6. Je me rappelle plus de Roméo. Un point pour Chou. J'ai du mal à... Félicitations, donc j'aurais pas su en trouver un 9ème. Je vais noter le score. Ouais, non, moi, j'avais pensé à Shazam, mais. T'en avais que j'avais pas trouvé? Non, j'ai Titanic, Aviator, Gangs, Inception, Beach et Infiltré. C'est pas mal, ouais. Et Shutter, vous avez trouvé les essentiels. C'est vrai qu'il a fait d'autres petits avant, il a fait. Vous avez trouvé vraiment les essentiels, donc. C'est ce qu'il fallait, y a pas de souci. Parfait, donc on va passer à la deuxième question alors. Ouais. Là. Petite ambiance sonore également. Ah, il y a Blood Diamond, tiens. Je viens de repenser. Ah, il y en a plein, hein, mais... Ouais, mais... Blood Diamond, j'ai pas vu. Bon, alors, deuxième question. Alors, il faut en citer 10, cette fois-ci. Ah ouais, quand même. Alors, il faut 10 jeux qui ont été créés ou supervisés par Shigeru Miyamoto. Putain. C'est parti. J'en ai jamais 10. Ouais, moi non plus. Voilà, si vous arrivez à la fin du temps sans avoir les 10, c'est celui qui en a le plus qui gagne. En plus, j'ai un doute sur. Ouais, moi aussi, personne. Déjà, j'en ai pas beaucoup, et en plus, j'ai des doutes. Quoi. Shigeru Miyamoto, vous avez une musique qui est. Mais la musique, elle me fait hésiter, justement. Aussi, celui-là, oui. La musique, c'est un jeu créé par lui, oui. Ouais, ouais. Je me rappelle plus de. Tu connais pas la musique? Bah, elle me dit quelque chose, mais. Oh putain! Ah, t'es mal barré là. Ouais, non, je suis mal barré, de toute façon. Ouais, moi, j'en ai. Je sais pas, quoi. T'en as combien? J'en ai 4 et encore, il y en a 2, je suis pas sûr. Continue, c'est celui qu'on a le plus alors. Non, de toute façon, il va gagner parce que moi je suis pas sûr. Ouais, c'est qu'il y en a le plus, mais si on fait une erreur, ça le point va à l'autre. Moi je prends pas de risque quoi. Ah oui, effectivement, peut-être pas prendre de risque. Allez, c'est toi de la musique, tu la connais quand même. Ouais, mais. Il me semble que c'est celui qui fait Mario quoi. Qu'est-ce qu'il a fait comme jeu ce connard? C'est lui. Mais bon. Et qui fait d'ailleurs la plupart des grosses licences Nintendo. Ouais. Du coup, j'ai un trou de mémoire. Mais on peut dire tous les Mario. C'est supervisé putain. Par lui. Il les a pas fait tous. Attention, il y a certains qui n'ont pas ça fait. Ça va être pute. Hein. Les dérivés, non, les dérivés, il n'a pas fait. Mais les principaux, il les a fait, oui. Je sais ce qu'il n'a pas fait. C'est pour ça que c'est facile, 10, justement. Ah. Dansez avec moi. Attention, on arrive bientôt à la fin du temps, les enfants, ça approche. Voilà, alors nous sommes à la fin du temps réglementaire. Donc, personne n'en a 10 ? Non. Non. Oh, c'était facile, quand je vais vous les citer, vous allez sûrement. Oui, sûrement, mais bon. La plupart dire ah, oh. T'hésites, quoi. Combien ? Stetson, combien ? J'en ai 8, mais je suis même pas sûr de certains. Stetson, 8, et Chauve ? 7, mais. 7. Stetson, tu tentes le coup alors ? Si, de toute façon, si t'en as d'accord avec, ce sera pour Chauve. Si, si ils sont bons, c'est pour toi. Bah, Super Mario Bros 1, 2, 3. Magnifique. Mario Kart. Déjà, Mario Kart. De quel tu parles, attention, parce qu'il y a plusieurs cartes. Le tout premier, il s'appelait pas Mario Kart. Si, sur Super NES, oui, ouais. Tout à fait. Donc, 4. Mario Kart DS, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. On va tenter. Mario Kart DS, il s'appelait comme ça ? Bah, il s'appelait pas comme ça, mais c'était... Oui, c'est bon. Ok. Je sais plus le nom, mais il est dedans. Paper Mario ? Voilà, désolé, Stetson, malheureusement. Je suis désolé de te le dire, mais les Paper Mario, c'est pas de lui. C'est d'un autre studio. C'est bien essayé. Et si il a faux. Au moins, il avait tenté le coup. Hein. Hmm, de casse pour moi. S'il a des fautes. S'il a des fautes, ça marche comment? Ah non, c'est toi qui a tenté le coup. Ah oui, donc je rate dans tous les cas. On pas dû tenter le coup alors. On n'avait pas tenté le coup. Non, ouais, c'est comme dans les chiffres et des lettres. Si quelqu'un le tente en 8 et a le mot faux, c'est celui qui l'avait en 7, même s'il est faux, qui a le point. C'est comme ça, malheureusement. Donc, ben, il y avait quoi? Attends, moi, pour le fun, j'ai Zelda Ocarina of Time. Ouais, les Zelda déjà, Mario 1, les a fait. Mario 2, Mario 3, ouais. Mario 64, ouais. Wario. Non, les Wario, non. Il n'a pas fait. Et Donkey Kong. Donkey Kong, il a fait, effectivement. Il a fait les Donkey Kong. Ok, Donkey Kong, Kong Junior, il y a Mario Bros 1, il y a Duck Hunt sur la NES, Excitebike, Legend of Zelda 1, 2 et 3 sur la NES. Excitebike, les 3, la Super NES, ouais, Excitebike, c'est lui. F-Zero, c'est lui. Super Mario Kart, tu l'as dit, Stetson. Star Fox, Kirby. Mario Star, Donkey Kong Country, il a fait tous les Super Mario World 1 et 2, donc 64 Pilot Wheels, Yoshi Story, parce que Yoshi c'est lui aussi, Mi 80 degrés Snowboarding, Mario Party, Mario Golf, Legend of Zelda Majora's Mask, Luigi's Mansion, les Pikmin c'est lui aussi, Mario Zelda Wind Waker sur GameCube, chauffe, qui aime bien ce jeu là. Enfin, voilà, il a fait vraiment, je ne citais que les principaux ici, mais justement, comme celui-là était différent, je me dis c'est pas lui qui l'a fait, mais si, si, en plus, en fait, tu prends, c'est simple, tu prends toutes les grosses licences Nintendo, oui, tu prends la trame des jeux principaux, parce que Paper Mario est un dérivé, et ça, il ne les fait généralement pas, mais les principaux, les Mario, jusqu'au Mario Galaxy même, et les Zelda et tout ça, c'est Miyamoto, de toute façon. Et voilà, bah, 2 points pour Chauve alors, hein. Stetson, est-ce que ce sera enfin pour aujourd'hui la victoire ou... Probablement pas. Enfin, faut voir le reste. Bon, sur Leonardo, je pense que c'était juste a été un peu plus vite, mais. Alors, un petit instant. Bah oui, bah. Une meilleure version du jeu, ce serait de trouver le plus possible, et c'est celui qui a le plus qui gagne. Mais enfin, si tu fais une seule erreur. Mais ouais. C'est ça le principe ici, c'est que c'est celui qui a le plus. Oui, ah oui, non, tu veux dire de chaque fois faire 3 minutes. Oh, mais je pensais que ce serait un petit peu long, je préférais vous cadrer un peu plus, parce que sinon, sur certains thèmes, ça peut partir vite. Mais pour un prochain jeu, peut-être plus y penser, effectivement. Bon, on passe à la question numéro 3. Oui. Alors, pour la question numéro 3, vous allez voir la musique de fond est magnifique. Donc, il faut citer 10 de nouveau séries TV qui ont été adaptées au cinéma ou qui ont eu une suite au cinéma, ça compte aussi. Là, peut-être que Stetson. Dix. Je sais pas si vous entendez bien la musique de fond. Oui, oui, oui. Et inversement aussi. Non, série adaptée au cinéma. Ouais, non, je sais pas. Donc ça peut être un... Je connais rien, moi, en série. Une suite, c'est pas juste adapté. Des séries qui sont prolongées au cinéma aussi. Tout à fait, que c'est pas une adaptation, que c'est toujours dans l'histoire de la série en elle-même. Mais tant que c'est dans ce sens-là, pas des films qui sont après venus en série. Hein. Stargate, par exemple, ça compte pas. Des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Je sais, Chamois. Je suis à 8. Ah bah, j'en ai 3. Allez, c'est ton courage, peut-être 2 ou pas? Non, j'arrive pas à trouver les 2. Bon, bah voilà, fin du temps réglementaire. Si je lui laisse dire les 3 et puis qu'après je dis plus et qu'il a une faute. Il a le droit de les dire en premier et puis que moi je les dis. Ah non, c'est celui, vous annoncez un chiffre, quand vous l'annoncez, c'est celui qui a le plus qui dit. Ouais, les 3. Ok, donc. Si t'assumes de dire tes 8 et que tu fais une erreur, c'est point pour lui. Par contre, je peux en dire 4. Non, tu peux très bien dire, mais non, j'en ai pas plus que 8, je préfère lui laisser dire ses 3. Ouais, là, mais. C'est pour toi. Par exemple, vu qu'il en a que 3, je suis sûr qu'il y en a certains que je suis sûr. Donc je peux m'arrêter à 4. Ah oui, tout à fait, si t'es sûr de 4, t'as plus que lui, oui, ouais. C'est clair. Mais alors tu n'annonces pas 8. Hein. Non, ben alors je vais annoncer 4. Tu es une petite bite. T'aurais pas dû dire que t'en avais 3, t'aurais dû... C'est vrai, pour le prochain, laisse-le dans le doute, laisse-le annoncer ou... Ouais. Firefly. Il y a moyen de faire de stratégie. Alors, ben vas-y, Stetson. Hein. Firefly, Miami Vice, ouais. DA Team, ouais. Et Charlie's Angels. Ouais, effectivement. Et t'as suivi un peu les autres pour voir si... Starsky Hutch. Ouais, voilà, je l'ai passé exprès en plus. Du Surf Hazard. Le Saint, oui, tu disais ça. C'est impossible. Le Saint aussi, je l'ai mis, chapeau melon de botte de cuir. Ouais. Et Dukes of Hazard. Ah, ça par contre, ça me dit rien. C'est avec General Lee, tu vois, la voiture. Shérif, fais-moi peur, ouais. En français, oui, d'accord, oui. Oui, excuse-moi, effectivement, il était bon. Et Mission Impossible, par contre, j'avais pas pensé de... Mais c'est Etim. Et tu pouvais dire dans le genre qui s'est prolongé au cinéma, c'est pour ça que j'ai bien précisé, parce qu'il y a X-Fly, il y a Sex and the City, il y a. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Sex and the City, X-Fly, c'est pour Firefly, j'ai l'impression, oui. Je ne sais plus, j'en avais d'autres en tête, mais de toute façon, j'ai toute une liste ici. Mais effectivement, il y en avait pas mal. Donc, bien joué, Stetson. Bah, donc en fait, ouais, Stetson peut faire des points aussi. The Saint, j'étais plus sûr qu'ils allaient faire un film. Si, avec Val Kilmer. Ouais, mais... Il y a déjà 15 ans. Ouais, non, c'est vieux, mais... J'avais un gros doute, quoi. Alors que les autres, j'étais sûr. Ah, magnifique, hein. Les séries, c'est pas mon truc, et toi, oui. Donc, c'est bon. Suivant, chef. Attends, je mets juste un... Hop là. Une petite musique de fond, hein, pour faire un peu... On a le droit de savoir en combien, même avant que tu dises le sujet. Alors... C'est parce que j'ai écrit mes petits numéros. Question numéro 4, oui, bah, cette fois-ci, j'ai tapé très haut, mais tout de suite, il en faut 20. Hein. Ah oui, désolé. Je suis désolé, mais tu vas voir, il y en a beaucoup. Il y en a 100, 130 en tout, je crois. Presque 130, il y a 120 et quelques. Soit. Donc normalement, 20, ça doit être faisable, je pense. Tu as un minimum de culture. Bon, alors citer 20 films, qu'on appelle également grands classiques, donc ce sont des films animés, hein. De Disney. Oh, putain, un meurtre, quoi. 20 mois de Disney. C'est parti. Franchement, que j'ai une gamine maintenant. Merde, je ne pense pas que tu es vraiment plus juste que j'ai à t'offrir. Alors pose-toi là, continue à ruminer et laisse le génie de la lampe éclairer ta lanterne. Si Alibaba a 40 voleurs, Scheherazade, 1000 histoires de cœur, ton maître, tu es encore bien plus fort car tu possèdes un truc qui vaut de l'or. Tu as le pouvoir. Enfile les gants, allume la mèche et tu seras gagnant. Ça va, Pierre Boum. Enfin, tout ce qui te chante, tu peux l'avoir en frottant ces deux lampes. Et je dis, mettra la d'un peu cher. T'as plus, sauf aujourd'hui. C'est toi, je réfléchis. Tonnerre, elle est claire, car je suis ton meilleur ami. Mais non, c'est peut-être pas de chiffres, parce que. Ouais, non, mais. Sinon, c'était ça, on peut utiliser cette technique. Mais de toute façon, il va en avoir plus que moi, là. Non, il y en a plein que j'oublie. Ouais, pareil. C'est ça qui est frustrant dans ce type de jeu, c'est qu'en fait on en connaît plein, mais on n'y pense pas sur le coup. En plus, après quand je vais les citer, vous direz ah oui, ah oui. Colonne A, fruit d'été, colonne B. J'aimerais bien vous offrir de tout cas. Je suis pas triché. J'ai pas entendu. Oh oui. Non. Nanana. Je suis un génie. Magicien, mon tour favori, c'est le goût du lapin. Je suis même père fou. Tu vois ce que je vois? Et quand je dis abracadabra, on s'éclate et tu disparaîtras par magie. Chaud. Comment tu t'as mâchoire, t'as l'œil hagard. j'ai le pouvoir d'exaucer tes prières. C'est garanti, diplômé, certifié, tu as un génie comme chargé d'affaires. Je te soutiendrai, je t'appuierai. Quel est ton vœu, dis-moi, quel est ton souhait? T'as déjà fait ta liste, ok, banco. Frotte les mains, moi je me frotte le dos, oh. Mettre à la danse, seigneur, père, ou deux, je te prie. Tu veux du rap, toi, comme à barbe. Mais oui, c'est ton génie, je suis ton ami. Oh oui, je suis ton ami, je suis ton ami. Mais oui, je suis ton meilleur. C'est stressant, j'espère qu'on va le tailler, le temps arrivé. Mais 20. Voilà, alors. J'en ai pas 20. Stetson, vu que tu as fait ton petit coup en retraite la fois précédente, ouais. Tu vas annoncer en premier le chiffre. 7. Tu as 7. Et un chauve. Alors je peux en annoncer 8. Ouh. Chauve, on tente le 8. Allez, chauve. C'est Disney, hein. Ouais. Des Disney, des films Disney. Ok. Tout à fait. Blanche-Neige. Correct. La Belle et la Bête. Oui. La Belle et le Clochard. Oui. Bambi. Oui. Le Livre de la Jungle. Oui. Le Roi Lion. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 100 Dalmatiens. Oui. Et Aladdin. C'est magnifique, chauve. Sinon, j'avais aussi La Belle au Bois Dormant. C'est ça? Oui. Le Frère des Ours. Oui. Cendrillon. Oui. C'est pas une vraie. Oui. Bon, c'est tout. Alors, pour faire très facile aussi, il y avait un truc infaillible chez Disney, c'est qu'ils ont quasiment tous connu une suite. Donc vous pouviez faire Aladdin 2, 3, vous pouvez faire Roi Lion 2, 3, risqué, vous pouvez faire Cendrillon 2, 3, vous pouviez faire... Il y a plusieurs Cendrillons. Tout à fait, il y a plusieurs tout, enfin non. Ah, il y a Réponse aussi, j'ai failli aller le voir l'autre jour, putain. Blanche-Neige et Pinocchio n'ont pas connu de suite, par exemple, mais il y avait Dumbo aussi, il y avait... Il y avait Pocahontas, il y avait Mulan, il y avait... Ah oui, j'ai la liste ici, mais je... Il y avait énormément, oui. Robin des Bois, Merlin l'Enchanteur, ouais. Peter Pan, je ne sais pas pourquoi vous l'avez cité, Bernard et Bianca, les Aristochats, Roxy Rookie. Enfin, Bossu Notre-Dame, Hercule. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Hein. Donc, on va donner un petit point au chauve. Alors, félicitations. 3-1. Stetson, t'es encore mal parti, là, il me semble. Ouais. Bon, on va passer alors à la quatrième question. De toute façon, il y a le Super Banco, on s'en fout. Oui, Super Banco, effectivement, mais bon. Faut pas tout parier, parce que je ne le ferai peut-être pas, si je vois vraiment que vous pariez tous sur le Super Banco, c'est pas bien. Hein. Moi, je ne parie pas tout. Ça va alors. Bon, question numéro 4. Ici, il n'en faut que 10, on retombe à 10. Hein, que ça devrait déjà mieux le faire, je pense. Hein. 20, c'est long. Quoi. Tu le doutes? Ouais, mais non, c'est pour ça que je n'en aurais fait qu'une à 20. C'est pour le défi. Déjà 10, c'est quand même long, parfois. Alors 10, ici, il me faut ces jeux vidéo. Il me faut 10... jeux de fight, des jeux de combat. On s'appelle ce jeu, putain. On peut dire les suites. Ah bon ? On peut dire des suites. Oui, hein. Ouais, c'est facile, 10. Ouais. T'es là ? Bah, ouais. Déjà ? Street Fighter Buzz ? Vas-y, Street Fighter 4. Mortal Kombat 1, 2, 3. Virtua Fighter 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Marvel vs. Capcom. Bite, quoi. Et Street Fighter. Super original en plus. Moi j'avais au moins mis Super Smash Bros. Dedans. Oui, c'est vrai aussi. Ah, j'ai mis Marvel. C'est vrai que. Bon, Stetson. On va lui mettre le deuxième point quand même parce que c'est correct. Mais c'est vrai que Stetson, ses deux points, il les a fait en traître. Alors faut bien l'admettre. Hein. C'est ça quoi. Mais voilà, c'est vrai que tu partais sur Street Fighter 1, 2, 3, 3 Alpha, 4. Ouais, j'étais pas sûr de Mortal Kombat les appelait, 1, 2, Mortal Kombat 64. Il a le point, mais franchement, je trouve ça petite bite. Bah, c'était une question pour les petites bites aussi. Limite, ouais, c'était plus facile d'en mettre 20. Hein, là. Parce que les suites, tu te doutes plus de comment elles s'appellent. Tu sais où elles se sont arrêtées. Ça, ouais. C'est vrai, ça se tient. Mais Bon voilà, mais il y avait d'autres jeux, mais c'est vrai qu'il y avait Power Stone sur la Dreamcast qui est assez génial, Myth, Not Dark Age, sur Nintendo 64 qui était pas mal. Des jeux de fight Dragon Ball. Des Dragon Ball, tout à fait, des Saint Seiya aussi qui sont sortis. Il y a plein de jeux. Que... Final Fight. Même le jeu de catch, de boxe. Punch-Out, c'est un jeu de fight. Oui, mais... Si, t'aurais pas pris... Ici, je l'entendais... C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, donc je l'aurais accepté. J'aurais dû préciser, j'entendais vraiment jeu de fight. Arcade. Jeu d'arcade de combat à la Street Fighter, quoi. Mm-hmm. À la Virtua Fighter aussi, comme tu l'as si bien cité. Parce que c'est vrai que. Voilà, mais bon. Punch-Out, c'est plutôt pour moi un jeu de boxe, on va dire. Hein. Ouais, mais Fried. Merde, c'est quoi le jeu de boxe sur Xbox? J'ai oublié. Enfin, soit. Fight Night. C'est pas très important. Bon, chauffe 3 points, c'était de somme 2 points à la traître. J'ai demandé si je pouvais mettre le suite. Hein. Allez. Chauffe, tu vas redresser la barre. Hein. Ouais, tu vas pas le laisser gagner. Putain, des coups de pute parés. Non, il faut pas qu'il gagne un seul BGS. Je suis sûr que ça n'arrivera jamais. Alors, peut-être un petit peu plus compliqué, quoique. Mais bon, il y a moyen de trouver quand même, je pense. Il en faut 10 de nouveau. Hein. 10 chanteurs ou chanteuses qui ont joué dans un film. Chanteurs ou chanteuses qui ont joué dans un film. En tant qu'acteur, quoi. En tant qu'acteur, oui. Simplement, qui ont joué dedans. Pas de ceux qui ont chanté pour le film, ouais, ou ouais. Qui sont chanteurs qui ont une carrière, qui sortent des CD et qui jouent dans des films, ou qui ont joué dans un film. Et une actrice qui est chanteuse ou un acteur qui est chanteur. Oui, mais... s'il sortit des CD, s'il fait une carrière de chanteur, c'est. T'es toi, quoi. J'essaie de me concentrer. Et ben... De nouveau, il y a un indice en musique, hein. À chaque fois, je vous mets un indice en musique. Putain, ils vont faire un dernier. C'est bon. C'est mec, c'est bon. C'est pas du tout mes référents. Mais si, j'ai pas des trucs honteux. Des trucs honteux, quand même. Jennifer Lopez. Ça l'a fait. Laurie. Oui, c'est vrai. Elle a joué avec Jesse Nielsen. Hein. Et elle a même joué dans une série aussi. Ouais. Donc, elle peut dire qu'elle joue. Enfin, de toute façon, au principe, c'était pas actrice, c'est qui a joué. Donc. Jacques Brel. Oui. Ouais, dans quel film, Jacques Brel? Dans plusieurs. Dans plein de films. Dans beaucoup de films. Je vais sortir la liste. Ouais, non, c'est un bon même réalisé, je pense. Marc Lavoine. Oui. Beyoncé. Patrick aussi, tiens. Ah, mais Patrick Bruel. Beyoncé. Beyoncé dans quoi? Beyoncé, elle a joué. Elle a joué dans Austin Powers. Ah oui, si, oui. Tout à fait, oui. Donc, Patrick Bruel. De toute façon, j'ai la liste, je peux vérifier. C'est pas... Ouais. Patrick Bruel, 6e, oui. 3, 4, 5, 6. 50 Cent. Oui. Eminem. Oui. Fernandel. Oui. Et Meatloaf qui a joué dans Fight Club. Là, alors là, par contre, cette référence, je ne l'avais pas, mais. Ouais, bon, c'est si possible, la sort, c'est qu'elle doit exister. Ah, bah si, c'est un chanteur de merde américain qui a joué dans Fight Club. Le gros qui se fait tuer, il s'appelait Robert, machin. Oh, je ne me rappelle pas que c'est Meatloaf, mais bon. Ah, voilà, c'est lui. Ouais, de toute façon. Ouais, bah moi, oui, il y avait énormément d'autres, mais effectivement, oui, il y avait Will Smith. Mais c'est stressant, parce que t'es obligé d'aller vite. Alors, si tu veux, dans le français, tu avais Johnny Hallyday qui a joué dans des films. Ah ouais, c'est Oh, mais j'ai. Bref, oui. Il a fait une carrière, j'ai dit qu'il a fait une carrière. C'est mieux. Non, ouais. Et tu pouvais même citer Justin Bieber si tu le voulais. Ouais, qui joue son propre rôle. Qui a joué dans. Un il va jouer dans un film aussi, qui va. Bon, c'est pas encore sorti, donc ça, c'était pas permis. Mais... Il y a Ophélie Winter aussi. Yeah. Ouais, il y a. Oui, Miley Cyrus. Il y a. Bon, c'est une Disney, mais. Eddie Mitchell, Jean-Baptiste Monnier, Charles Aznavour, si tu veux, dans les Français. Bon, Jacques enchaîne. Bouchon, enfin... Carlos, même. Oui, j'ai failli mettre Carlos, mais je me suis dit non. Ah, bah oui. Bernard Minet, si tu voulais vraiment. Qui? Je ne crois pas qu'elle fait une carrière de chanteuse. Elle a chanté avec Marc Lavoine, mais je ne suis pas sûr que... Allons-y. Ouais, soit. Ah, bref, on va passer à la 7e question. Normalement la dernière, mais peut-être faire un bonus, je verrai bien. Hein. Ouais, tiens. Alors, juste un truc encore. 4-2. Ouais, je sais. Toi, c'est une question d'en gagner. Pour le moment, j'en gagne une, t'en gagnes une, j'en gagne une, t'en gagnes une. Non, t'en gagnes deux, j'en gagne une. Ouais. Bon. Voilà. Alors... Donc ce coup-ci, il en faut de nouveau 10. Oh. Je suis désolé. Hein. Et je me demande si Stetson va peut-être pas avoir un peu plus de chance sur cette question-là. Ah bah tiens. Ah, ça, faut bien aussi des questions... Bah non. Ah, si. Alors, il me faut 10 séries policières américaines. Ça sert même à rien que je réponde. Non, j'attends qu'il se plante. Et t'as déjà un bon gros indice en musique. Ouais, quand même. Je connais pas, tu sais, moi, ça. Merde, putain. Allez, c'est tout ça. Non, mais la musique me déconcentre et j'arrive plus à retrouver là d'un coup. C'est quoi cette musique? C'est la suite? C'est toujours des indices en musique, hein. Ouais, je sais, mais je sais laquelle chanson je fais. Pourquoi j'arrive pas à retrouver d'un coup? Ça, c'est le blocage psychologique. Ah ouais. Le stress du jeu fait que. Non, mais c'est même pas dur en plus. Bon, ça y est, oui. Et j'en ai pas 10. Hein. Ah, tant pis pour toi. Je m'en fous, je joue là. C'est que je suis sûr. T'as combien cette somme? 6. 6 seulement? Mais t'aimes là. Je pensais qu'elle allait être très facile. Ouais, non, mais. C'est pas la spécialité, les séries policières. Non, mais j'arrive pas à réfléchir à celle-là. Je trouve que tu m'étonnes parce que. Même dans les anciennes séries, il y en a que tu dois connaître. Hein. Le genre policier. Dans les plus vieilles. Oui, c'est vrai que. Ouais. Après, il y en a où il y a des policiers dedans, mais je dirais pas que c'est une série policière. Il faut que ce soit vraiment du genre policier, comme on l'entend. Bon, bah, fin du temps réglementaire, alors, les enfants. Bon, Chauve, à toi d'annoncer un chiffre. J'en ai 6. Je viens de les remplir dans les 10 dernières secondes. C'est pas grave. Mais j'en ai 6 aussi. Ah, 6 aussi. Ah, alors qui veut se lancer? Qui est sûr de lui? J'en ai 7. Ah, ouh, Chauve, chérie. On va risquer, je sais même plus si c'est policier, mais je me rappelle d'un nom, bref. Alors, vas-y, Chauve. C'est Perry Mason. Tout à toi. Perry Mason, c'est pas... Alors, c'est très vieux. D'avocat, ça. C'est pas... Bah, c'est policier. Perry Mason n'est pas policier. Ah si, c'est policier. Je ne l'ai pas que c'est policier. Je n'ai pas dans la liste des policiers ici. Bah, si tu l'as pas dans ta liste, c'est pas policier. Bah, c'est... C'est plus avocat, hein. Bah ouais, j'ai la liste des séries policières ici, je me sers d'Allociné et d'IMDB, donc... Parce que tu vois, je pensais à Eureka, mais c'est pas très policier, quoi, c'est science-fiction. Non, vraiment. Mais si, pourtant, policier, c'est les experts, les 3 experts, par exemple, qu'on peut compter à l'heure actuelle. Je le dis, mais tu pouvais même mettre des plus anciennes, aussi. C'est oui, Ben Wilson. Colombo, par exemple, Mook, pouvait être considéré. Mais Perry Mason, malheureusement, je me dois de le refuser. Je suis désolé, Chauve. Vas-y, Stetson. Moi, j'ai mis les 3 CSI. Ouais. De Shield. De Shield, tout à fait. De Wire. Ouais. Et NYPD Blues. Tout à fait, oui. Et donc, il y avait. Bon, j'ai les titres en français, donc. Mais les New York Unité Spéciale. Oh putain, Law and Order. Law and Order, ouais. Mais vas-y, la honte, quoi. Je m'attendais quand même. Cold Case et tout ça. Ouais, FBI portée disparue. Mais c'est. Ah, c'est honteux. Je m'attendais quand même à ce que tu sortes non, au moins Law and Order. C'est pas du tout ce que je regarde, et gros blanc, quoi. À part The Shield et. The Wire. Ouais, bah, déçu quand même, Stetson, ouais, mais bon, malheureusement, je suis obligé de t'accorder le 3e point. Vous voilà donc à égalité. Non, j'ai 4 points, moi. Non. Si, il a 4 points. Ah, si, il a 4 points. Oh, excuse-moi. Excuse-moi, Chauve. Je suis navré, effectivement. Tu as 4 points. Mais tu m'accordes quand même le 3e. Mais ça fait 4 points. Ouais, bah, je vais vous poser une 8e question, alors, les enfants. Ah, bah, tiens. Évidemment. Histoire de voir si. Il stresse, là. Voir si Stetson revient alors un petit peu. Parce que j'avais gagné. Revient un petit peu à charge. C'est un banco? Non, c'est pas un banco, c'est une simple question à un point, comme les autres. Hein. On va faire dans la simplicité. Oui, non, je ne vais pas. Je sais que le Super Bowl va, va commencer, donc je ne vais pas vous faire durer trop longtemps. Ne vous tracassez pas. Alors, hop là. Mais c'est bien comme jeu, ça, je trouve. Ah, la merde. Ah, bah, alors, si vous avez bien entendu. Parce que Perry Mason, c'est policier. Il tient à son Perry Mason. Alors, ce coup-ci, c'est. Vous avez toute la durée du temps imparti. Il n'y a pas de. Vous ne devez pas citer un certain nombre. Hein, c'est celui qui en a le plus au bout du temps imparti. Et il faut aussi ici mettre les jeux vidéo, type de jeux vidéo qui commence par la lettre M. C'est parti. On peut mettre des suites. On peut mettre des suites, ouais. Des suites, des dérivés, tout ce que tu veux. Tant que ça commence par M. Ah oui, donc par exemple, Mario, non. Si. Bah ça commence par Super Mario. Ah oui, il y en a les... y en a qui commencent par Mario. Ah ouais, okay. Oh, non, hein. Ah si. Ouais. Vraiment, il faut que le premier mot soit un M, quoi. Voilà. J'avais 2 minutes, hein. C'est la fin. Attends encore quelques secondes. Ah ouais. J'ai pas le casque. Voilà, fini. Posez vos mics. Et le stylo, on s'arrête là. Je compte ce temps. Alors, c'était à toi d'annoncer chaud ou à cette scène, je ne sais plus. Tu vois, moi, je crois. J'en ai 23. Ouh. T'en as plus que moi. 23 attends, je, c'est vrai, je l'ai joué à la pute, hein. Je m'en fous. Je l'ai joué à la pute. Et à cette scène, je suis mort. 23, c'est quand même... Tu m'impressionnes, là, effectivement. Même à la pute... Ouais, j'en ai 12. Mais bon, fais gaffe à... Ouais, ouais, mais 23, faut faire attention, là. Ce qu'il doit dire les 23, là, avec l'annoncé 23. Voilà, et on sort les outils de recherche pour bien vérifier. Oh. Le premier mot est un M. Mario Kart. C'est ouais. Super, Mario Kart. Mais bon, il y en a des qui s'appellent Mario Kart. Oui, un Mario Kart, oui. Donc là... Mario Party. Parce que celui de la Wii s'appelle Mario Kart, par exemple. Mario Party. Mario Party, ouais. Mario Party 2. Oui. Mario Party 3. Ouais. Mario Party 4. C'est vraiment la pute, Mario oui. Party 5, 6, il y en a 7, combien 8, 9. Après, je sais pas. Alors, juste une chose. 9, je crois, gars. Que je dois vérifier, c'est Mario Party 9. Parce que je suis sûr jusqu'à 8. Oui, mais moi aussi. Et le 9, j'ai comme qui dirait un doute. Ah non, ben. Il existerait. Ah non, attends, ça c'est un faux. Ah, oh, désolé, chauve. Oh putain, non! Ah si, tu viens de t'écraser sur. Dommage, là. Malheureusement, le 9 n'existe pas encore. Il sortira très certainement, c'est une certitude. Mais je suis désolé de te l'annoncer, il n'y a pas de 9, il n'y en a que jusqu'au 8. Putain! Ah ben voilà, cette scène reprend l'égalité. Hein. Désolé, chauve. Bah, moi, je joue au moins. Ah, c'est vrai que là, tu l'as bien joué, effectivement. Pas un petit pic, moi. Mais t'aurais dû taper 22 si t'étais pas sûr de jusqu'où t'allais. Dis un petit peu ce que tu avais d'autres pour voir si tu... Ouais, si t'aurais une autre erreur. Tous les Madden depuis 2001. Ça n'y a même pas pensé. C'est Madden NFL le titre. C'est vrai qu'il là, Chauve méritait de gagner. Là, quand même, c'était pute. Pour avoir pensé à Madden, voilà, mais désolé pour... Voilà, bah écoutez, ce qu'on va faire... On va arriver au terme quand même pour clôturer cette émission, mais vu que vous êtes à égalité, je vais faire une dernière question pour vous départager. Et ensuite, on fera quand même le banco, parce que le banco doit toujours être là, être fun, d'accord? Ouais. Je vais juste demander à la jeune personne qui est à côté de moi de choisir parmi les trois questions ici, de me montrer laquelle tu les verrais mieux faire. Laquelle on sait dire en combien de... Il n'y a pas de combien, là, c'est comme c'est l'avant, c'est par une lettre. Chauffe, tu vois les questions. Bien sûr, on y va, là. D'accord. Donc, tu veux le... On prend la deuxième ? Allez, alors là, choisis la deuxième. Alors, je vais choisir la musique pour la deuxième. Donc, de nouveau, il n'y a pas de... C'est pareil que celle juste avant. Hein. Vous n'avez pas de... Comment ? Vous n'avez pas de... Enfin, si, on a de temps, voilà. Si, vous avez le temps, mais vous n'avez pas de nombre à donner. Voilà, c'est ça que je voulais dire, effectivement. Donc, vous n'avez pas de nombre à donner. Il faut juste en donner le plus possible sur le temps imparti. D'accord ? Ouais. Alors, ce coup-ci, ce sont les films des années 80... qui sont sortis dans les années 80. Ah oui, c'est très très... Il faut faire très attention ici à ne pas en proposer trop. Commençant par la lettre T. Quoi ? Oh, c'est mort. Moi, j'ai aucune idée, quoi. Je suis pas sûr du tout de l'année. Là, il faut prendre... Voilà, il faut prendre le risque. Si tu veux gagner cette zone, il faut prendre le risque. Ah, il y a le Super Banco, après. Ouais, non, faut pas tout courir sur le Super Banco, quand même. Hein. Mais là, quand ils sont sortis, les films... C'est déjà bien. C'est pas moi qui ai choisi la question, c'est la jeune personne, ouais. Ma compagne qui est assise ici à côté de moi. Elle a choisi la plus dure du lot. J'en avais deux autres qui étaient un peu moins dures. Elle a choisi la plus dure du lot. Chauve, malheureusement, t'as fait signe de prendre celle-là. Donc vous avez la plus compliquée. Allez, Stetson. Réfléchis, t'en as bien une ou deux. T'en as bien un ou deux. Mais t'as écrit finalement. Et t'as fini? Quoi? T'as te calmé? Tu regardes sur ma feuille. Non, je regarde. Qu'est-ce que tu veux que je... T'as vu comment c'est écrit ? C'est ta feuille de... où il y a les réponses, là, je sais même voilà. Pas dire. Les enfants, désolé, nous sommes arrivés au bout du temps imparti. Alors, pour vous dire quand même, malheureusement, Chauve, tu as vu que tu faisais des signes, madame, pour qu'elle choisisse la question, tu as choisi la plus compliquée, je te le dis tout de suite. Oui. Parce que l'autre, il y avait les deux autres, c'était soit des BD, comics ou manga, commençant par la lettre G, donc au moyen de faire quelque chose. Ou alors des dessins animés, commençant par la lettre P. Ouais, je me serais fait casser dans les deux cas. Hein, donc, Voilà, mais les films des années 80, c'est vrai que c'était plus équitable peut-être pour les deux. Alors, qui se lance ? Qui en a plus ? Peut-être ça, c'est toi qui t'as lancé. Ouais, enfin j'en ai un, mais je suis même pas sûr. Donc, Chauve, est-ce que j'en ai un, je le dis alors. Chauve, tu te lances ? Tu prends le risque ? Ouais, je dis Terminator. Voilà, que demander de plus, hein ? Stetson, tu avais... J'avais Tron, mais je suis même pas sûr de quand il est sorti. On applaudit Chauve, hein. Il a empêché la victoire, mais il y a évidemment le Super Banco, hein, parce que là j'ai été juste, comme dirait. De quoi ? Le Super Banco ? Ah non, j'ai gagné ! Eh non. Mais Tron, je vais te dire ça tout de suite, Stetson, parce que j'ai comme un doute, effectivement, 1982. Donc tu n'aurais pas dû hésiter, tu aurais dû te lancer. Désolé. Et la musique, c'était quoi ? Terminator, mais le jeu vidéo, c'était un petit peu traître. Ouais. C'était un jeu vidéo sur Mega Drive, sur Terminator. Désolé. Bon, bah, Super Banco. Alors. En combien ? Ou bien c'est toujours partant. Oh, c'est partant aussi, là. Alors... Est-ce que ça va être chaud ? Tu sens que tu vas gagner ? Non. Oui, ça va être très chaud. C'est un Super Banco, donc c'est très très chaud. C'est très très chaud. C'est le Super Banco qui vaut le moins depuis le VGS. Voilà. Mais bon, c'est vrai que Chauve est quand même vainqueur du jeu, donc on peut dire que Stetson n'aura rien gagné jusqu'à présent. Mais... Et je pense pas qu'il va gagner celui-là. S'il gagne celui-là, il a gagné. Il le gagnera pas parce que j'ai eu envie de faire ça pour la déconne, on va dire, mais je pense pas que c'est son. Bah, goal. Alors, donnez-moi le nom. Il y a un nom, je me suis trompé. Donnez-moi le nom de 20 des Schtroumpfs. Eh oui, je sais. La Schtroumpfette est dedans ? Oui, tout à fait. Intéressant, oui. Je suis naze, hein, moi. avec la musique qui va bien avec. Ils disent pas les noms des schtroumpfs après dans la chanson. Si, ils ont dit certains, je pense. Généralement, les musiques servent d'indice, donc. De toute façon, regarde comme il écrit comme un malade. C'est pour pas oublier. Mais en fait, je peux mentir sur mon nombre. Personne ne force à. Ah ouais. Mais c'est là, c'est le chauffe qui dit qui annonce en premier, donc si t'annonces plus, tu prends la main et. Ouais. Les chauves est très fort sur les schtroumpfs, apparemment. Donc je crois qu'il va de toute façon te ratifier, que ce soit le jeu ou le Super Banco. Je laisse gagner en fait. Je choisis même pas. Dans tous les jeux, tu laisses gagner, c'est ça. Ouais. Tu en effet, toi, tu vois. Il écrit comme un malade, hein. Il y en a combien, putain? Je trouve qu'il y en a 100. Ah ouais, carrément. Oui. Ils sont 100 plus les, comme la schtroumpfette, les extras, quoi. Parce que certains, je trouve qu'ils sont pas originaires du village, en fait. Oui, il y a 100 schtroumpfs. Donc 20, c'est faisable, quoi. C'est à quelle de la population. Oh, c'était pas ça. Excusez-moi. Voilà, donc le temps imparti est terminé. Donc, Chauve, combien en annonces-tu? Je vais jouer soft, je vais dire 13. 13. Je lui laisse faire, j'en ai moins. Tu en avais combien? Je ne le dis pas. Bah, je trouve, enfin, Stetson, c'est de la culture. Stetson, vas-y, combien en avais-tu? Du patrimoine, je veux dire. Zéro. T'en avais moins plus que 5? Non. Enfin. J'ai jamais lu les Schtroumpfs de ma vie. Même pas quand j'étais petit? Non. Oh. Tu me déçois. Vas-y. Schtroumpf coquet. Ouais. Je trouve paresseux. Ouais. Là, je trouve fête. Oui. Je trouve gourmand. Oui. Le grand schtroumpf. Oui. Je trouve à lunettes. Oui. Je trouve financier. Oui. Je trouve grognon. Oui. Je trouve jardinier. Oui. Paysan, je trouve paysan. Voilà, ça s'appelle paysan. Tu ferais une connerie de rater. Il s'appelle paysan, on lui laisse quand même. Parce qu'il s'appelle paysan, c'est pas jardinier, mais oui. Je trouve bébé schtroumpf. Oui. Le vieux schtroumpf. Oui. Je trouve poète. Oui. Je trouve musicien. Magnifique. Sinon, j'ai un schtroumpf charpentier, je sais plus si c'est non, ça. Non, c'est bricoleur. Oui, voilà, putain. Schtroumpf cuisinier, je sais pas non plus. Si, cuisinier. Et il y a aussi. Il y a le gourmand truc, d'ailleurs aussi. Il y a aussi. Ils font des Jeux Olympiques, il y a pas un schtroumpf athlète ou un bazar ainsi. Mais il y a le schtroumpf costaud tout simplement, alors tu peux dire aussi. Il y a le schtroumpf sportif. Le schtroumpf farceur que t'as peut-être pas dit. Ah, putain, Il y a le schtroumpf bûcheron, le schtroumpf bêta. Enfin, il y en a tout un petit flop. Ben, bon, là, je crois qu'on peut dire que le schtroumpf est grand vainqueur. Les 100 n'ont pas un nom, je pense. Tant pis, j'ai envie de m'être amusé à répertorier 100, mais il n'y a pas vraiment, non, ils n'ont pas vraiment 100 avec un nom bien précis. Donc. Mm-hmm. Voilà. Bravo! Bravo! Applaudissements pour Chauve. Hein. Merci. Bon, ben, on va clôturer ici, hein, alors. On va aller voir le match. Voilà, parce que les amis sont pressés ici. Hein, mais... Avant tout, on va quand même dire au revoir peut-être aux auditeurs, parce qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent malgré tout. Donc, alors, sachez qu'on devait faire un hors-série sur le foot américain, mais que je suis arrivé trop tard avec les geeks, mais que cette zone est arrivée avec 2 heures de retard. Mais je crois qu'on le fera quand même, de toute façon, ça reste à l'ordre du jour. Je suis arrivé une demi-heure en retard, je lui ai dit à 20h30. Ouais. Bon, tu m'as dit plus tôt, mais c'est pas grave. Le projet se fera de toute façon, vous aurez droit à plusieurs hors-séries, ça on vous l'annonce. Hein. Et donc, prédiction avant le match? Les Steelers, hein, même, mais c'est pas de bon cœur. Une idée d'un score? Serré, en 7 points. Moins de 7 points, mais tu penses qu'ils vont faire quoi? Dans les 20-30 points? Dans les 20, genre. Moi je dirais. 28-21, un truc comme ça. Ouais, je dirais un truc dans le même. En dessous de 30 en tout cas. Mm. Donc pour ceux qui ne. Suivaient pas, ils parlent de foot américain, n'est-ce pas? Et le Super Bowl commence dans un quart d'heure. Voilà, donc on fera, comme je disais, plusieurs hors-séries, notamment sur le football américain, certainement sur le rétro gaming. Enfin, on verra. Il y a plusieurs projets qui sont dans les cartons, on va dire. Et on a évité le en vrac aujourd'hui. Voilà, on a évité le en vrac, tout à fait. On fera peut-être, après, on verra. Ouais, si on n'est pas trop crevé. Voilà, tout à fait, mais c'est vrai que. On va déjà vous dire au revoir, comme ça, ce sera déjà fait. Donc, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté. On peut te retrouver donc sur ton blog si tu as des mises à jour ou... Non, toujours pas. Toujours pas. Bon, bah, partout, nulle part. On va faire plus simple, alors on va dire retrouvez-nous sur bg-show.be. N'hésitez pas à venir participer au forum, hein, on a besoin de gens. Même si Stetson n'est pas très présent, Chauve, lui, il est. Chauve, lui, il est, hein, il assure, il tient les rênes avec moi, il assure. Tout à fait, et on est que deux, d'ailleurs. Et voilà, tout à fait. Et ben voilà, donc sur ce, on va vous dire alors au mois prochain pour le numéro 6, qu'on fera certainement soft comme celui-ci. Déjà, tout à fait. Qu'on fera certainement soft comme celui-ci. Les invités, on reprendra ça après, quand on sera un peu plus rodé, on va dire. C'est vrai que sur le numéro 4, ça a été assez laborieux. Voilà, ben donc, bonne soirée, bonne journée, alors selon l'heure, et à dans un mois. Au revoir tout le monde, au revoir les amis. Salut. Au revoir. We'll be right back.